Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez, 80 à l'heure, RQC, 95 FM, Lee John of Imagination. You're listening to Illusion. Eh bien bonsoir, bonsoir à tous, vous êtes bien sur 80 à l'heure, RQC 95 FM. Alors, on me dit, oui, je parle déjà trop fort, et trop près du micro, ça commence bien. Bonjour l'entrée. Comment allez-vous? Alors super. Ce soir, bah bien. Super, ouais, super, bien, super, comme l'essence. Enfin, ouais, bien. Ça y est. Et maintenant, donc, on va passer à un extrait audio. Alors ce soir, petit, petit comité restreint non plus, mais on a perdu Harry en route. Oui, oui, oui, il ne reviendra pas. Il est malade. Ouais, alors, oui, je me suis laissé entendre dire qu'il n'allait pas bien. Hein, on penserait fort à lui. Il a une toux. Oui, ouais, c'est un tout. C'est la version officielle. Voilà. Moi, j'ai entendu dire que c'était une rhinite du fondement. Ouais. Bon, vérifiez. Alors, si tu nous écoutes, Harry, bah, sache qu'on t'a souvent touriste dit qu'on t'aimait, que t'avais... excellent. Voilà, on t'aimait beaucoup, tu nous manquais, que t'avais du talent, mais en fait, on le pensait pas. Donc, ouais, on est très, très contents d'être seuls. Ouais. C'est pas vrai. Non. On gère et on se démerde. Pardon, on se débrouille. Absolument. Donc, voilà, oui, c'est vrai que l'émission va être reprise un peu différemment, puisque notre maître à penser, Harry, n'est pas là, présenté par Flipcat en introduction, bravo. Ouais, il paraît que t'es très fort tu en introduction. Tu t'es bien introduit. Donc, voilà. Donc, avec la... Ouais, vous avez reconnu les fous, donc il y a Flipcat, il y a monsieur le maître Sherlock sur son arbre perché, devant bonsoir. Son micro tendu. Bonsoir Sherlock. Bonsoir à tous, Sherlock. Bonsoir à tous. Voilà. Et à toutes aussi. La superbe voix excitante, et faut-il la citer? Donissa. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ouais, mais il y a que tous qui écoutent, tu sais, là. Et Et ben, je les embrasse tous quand même. On a Véro aussi qui, oui, qui bonsoir à tout le monde. Hein. Tu vas bien Véro. Mais ça va très bien. Bon, Harry, bah voilà. Souhaite-nous bien. Bah oui, oui, écoutez, bah... Non, mais là, des gros bisous. Il a raison, parce qu'en fait, c'est qu'on fait de la radio, c'est vrai que si t'as une toux, autant on en rigole, mais t'imagines, je viens de le quitter de spectacle, et c'est vrai que ça a commencé il y a deux jours, il avait une toux terrible, et s'il a des quintes de toux toutes les 30 secondes, la dernière fois c'était le hockey. Ouais. Ouais. Voilà, il y a le hockey, voilà. Et donc, on va dire bonsoir à Canon. Donc, quand même, ok, hein. T'as tout. Salut Canon. Salut Canon. Ouais. Hein. Bonsoir Canon. Voilà, moi je vous embrasse aussi, j'espère que vous allez bien. Moi, je passe ma dernière émission avec vous, non pas sur RQC 80 à l'heure, mais de l'année. Ah. Voilà, parce que je ne vais pas pouvoir faire les trois prochaines émissions. Ah. Voilà, donc je vais vous laisser entre fous et entre folles. Voilà, voilà. Je vous écouterai ou pas. Mais voilà, c'est au chaud. Voilà. Bon, sinon, il y a le podcast. Hein. C'est vrai qu'il y a le podcast. Bah, tu me les envoies, c'est vrai que je reçois. Oui, en plus, ouais, c'est vrai. Je centralise toutes les émissions. Oula. Voilà. Moi aussi, je les ai depuis plus d'un an et demi, oui. voire même deux ans, donc ça commence à faire pas mal. Bah, ça serait bien de faire une rétrospective. Ah oui, ça fait. Ouais, le problème, c'est qu'il y a du boulot là. Sherlock, t'es pas en vacances de semaine hein. Tu sais, parfois je m'écoute quand je dis ta gueule, et tu sais qu'il y en a plus de 60. En fait, si je l'ai fait, c'est ta gueule. Et Harry, ta gueule. Ta gueule. J'adore, je me dis, il y a moyen de monter des trucs comme ça. C'est un petit peu pourri, tu sais, sur les variations. Ouais. Ah oui, non, mais c'est clair. Tu mets un petit beat derrière, tu vois. Un petit beat sur ta gueule. On va éviter à 8h. Ça fait tout. C'est ce que tu me dis. À 8h05, on va éviter. J'ai toujours rêvé de mettre un petit beat sur ta gueule. Donc, bon, on espère que vous allez bien. Donc, vous avez compris, on est en pleine forme. Voilà, vous préparez certainement les fêtes de Noël. Hein, ça va approcher. On est le 13, là. Oui, ça va. Jusqu'à ce soir minuit. Donc, dès demain, il reste. Ce sera 10 jours. Ouais, 10 jours avant le réveillon, ça va aller vite. Avant de mettre le petit avant l'anniversaire de ma fille. Absolument. Aussi. Ah, moi, il y a déjà. Ah oui, c'est l'anniversaire de ta fille. C'est l'anniversaire de ma fille le 24. Oh là, elle va avoir un an, ouais. Chipette, elle est adorable. Ouais, qu'elle est très belle. Bah, elle va avoir un an, elle va avoir un Noël déjà. Ouais, c'est son premier Noël. C'est ça. Elle est née le 25. Elle est née le 24. Ah, le 24, c'est pas Noël. Non, elle est née le soir du réveillon. Oh, c'est beau. C'est festif, ça promet. Ah ouais, c'est bien. C'est bien. Ah oui, donc non, j'ai passé Noël à la maternité, c'était génial. Ouais. C'était un beau cadeau. C'était un beau cadeau. Mais bon, on aurait préféré un autre jour quand même pour la tu naissance. Tu nous as pas dit, t'as eu de la bûche à la clinique? Oui. Oui. Non, même pas en fait. Avec les nains dessus? Ouais, ils étaient souriants. Ouais, on se demande pas pourquoi. Ouais. Il est batteur, s'il vous plaît. Non, j'ai demandé s'il avait de la bûche avec les nains dessus. Sinon, on parle, mais les chroniques. Alors, oui. Canon, est-ce que tu as une chronique ce soir? Absolument pas. D'accord. Onissa, tu vas nous parler de Moi, d'un personnage des Clubs Dorothée, comme d'habitude. C'est bien. Oh, et qui ça? Framboisier. Framboisier. Pas le gâteau, hein, quand même. Non, pas le gâteau. Non, je me suis dit, ça y est, on est en recette culinaire. Flip 4, une chronique donc ouais, à 21h30. Ouais. Une chronique que j'avais déjà fait il y a quelques temps, pas loin d'un an, que j'ai reprise et que j'ai agrémenté, ZZ Top. Puisque c'est d'actualité, puisqu'ils reviennent l'été prochain. Wow. Et par chez nous encore en plus. Ouh. D'accord. Il va falloir se bouger parce qu'il y avait un concert, on s'était demandé si c'était Panatox, qui est annoncé Petite Forêt, c'est bien sold out. Et c'est pas du tout. Ah oui. À Petite Forêt. Et il y a peu de dates, oui. Ouais, tout près de Valenciennes, ouais. Oui. Ouais, non, mais c'est assez étonnant, c'est parce que bon, c'est pas dans le cadre d'une tournée, dans l'immédiat. Donc c'était assez étonnant de les voir débarquer dans un. Notamment Petite Forêt. Ouais, voilà, c'est ça. On nous aurait dit encore Lille, le Zénith. Mais voilà. Et non, c'était pas de l'intox, et malheureusement, c'est déjà complet. Il y a d'autres dates qui suivent. Je vais les donner. Ah bah oui, je tiendrai au courant. De toute façon, même sur la page, vous pouvez regarder sur la page 80 à l'heure, j'en ai mentionné trois. Il y a le 6, 7 et 16 juillet. Bon, ah ouais. Ok. Bon, ça revient bien. Toi, t'as une chronique, on te rejoint donc, ouais, à 21h avec le Ciné Rétro 80 où je vais essayer de vous faire deviner un film. Oui. Comme Onissa, ouais. Harry n'étant pas là, t'as peut-être une chance qu'on trouve pas. Voilà. Non, tu vas le trouver. Ah ouais, mais bon. Non, mais alors ça, c'est pas juste, hein, franchement. Si déjà. Mais non, parce que je connais Canon, je connais ses références cinématographiques un peu depuis le temps. Donc je me doute que Canon. C'est un film de science-fiction. Non, même pas. Canon, et je vais te dire. La date, par contre, ça date de 1987. Voilà. D'accord. Non, mais moi, je vous parlerai d'événements le 17 décembre là, avec Nolan et Fabrizio qui vont se produire. Donc, c'est dans 4 jours, hein, les enfants. Donc, ouais. c'est 3 jours. Voilà, si vous n'avez rien à faire le samedi, on vous expliquera comment y aller. Je vous parlais de la troupe Tendance aussi qu'on avait reçue et voilà, qui se sont produits la semaine dernière. Ils ont cartonné. Donc voilà, la troupe Évasion Spectacle aussi, je vous parlais du spectacle. Voilà, je vais vous parler de moi aussi. Je vais parler aussi de certaines petites choses. Et moi j'ai eu un appel cette semaine, un invité qu'on avait reçu, qui va peut-être passer, un ami, ouais. Oh putain. Qui va peut-être passer, c'est Mike. On a envie de le voir. Et si tu veux, on fera une photo, t'auras une photo avec un ami. C'est bien. J'en ai marre de faire des photos avec lui pour lui faire croire qu'il y a un champ relationnel. Pour profiter de l'occasion, c'est vrai. À chaque fois, on a vu plein de gens dans la rue à Moucron. Pourriez pas faire une photo avec Sherlock? Ça fait plaisir, je suis content. Allez, en attendant, je vous propose une petite pause musicale avec deux titres, un français et un anglais. Avec Téléphone et Argent Trop Cher. Ah ouais, j'adore. Et Dead or Alive avec You Spin Me Right Round. Ah, ça, je te le dirai qu'aujourd'hui. Téléphone, argent trop cher. Ça veut dire coût de communication trop élevé. C'est ça, ouais. Allez, c'est parti. Argent trop cher, trop grand, la vie n'a pas le temps. here I come. Come, come. Sur RQC, dans le 5 FM, l'émission 80 à l'heure, nous avons un invité. Bon, on l'a pas invité. Qui se prénomme Mike. Bonjour Mike. Nous avons un incrusté, parce qu'on l'a pas invité en fait au départ. Bonsoir à tous, ouais. Bonsoir à toutes, bonsoir aux auditeurs et auditrices également. C'est vrai que je suis pas tellement invité, je me suis un peu imposé. Alors par contre, parle un petit peu plus loin du micro, parce que les micros portent. Pardon. C'est lui, Odissa, il a une voix aussi, il fait bander. Hein. Hein, on est en direct. Ah oui, c'est bien. Mais bon, justement, c'est pour ça qu'il le dit. Bah, tu sais, bah oui, sinon, si c'était fermé, je parlerais pas. Ça n'a aucun intérêt, les auditeurs ne m'entendraient pas. Bon, voilà, c'est bientôt Noël. Ah, je vous aurais jamais crucifix. Tu vas bien? Mais tout va bien. On va te recentrer un peu. C'est vrai que tu étais venu parce que tu es quelqu'un du spectacle, du monde du tout spectacle. Tout à fait. Voilà, tu es surtout dans le théâtre. Surtout, oui. Voilà. Avec, rappelle-moi, je t'avoue que j'ai zappé le nom de la troupe. Alors, il y a plusieurs troupes. J'étais venu avec Phoenix la dernière fois. Non, mais tout à fait. Et donc, que devient Phoenix? Et donc, que devient? Mais que devient que on continue à tourner? Ouais. Alors, pas de date précise pour le moment, mais on reprend dans le courant de l'année 2017 le spectacle L'amitié est aveugle que je t'ai présenté ici. Absolument. Voilà. On a également une nouvelle pièce qui est en préparation, reprise d'une pièce qui a été montée il y a une quinzaine d'années sur Paris, qui s'appelle Le Repas des Fauves, qui se passe pendant la guerre. En gros, une bande d'amis qui sont en train de fêter l'anniversaire de l'une d'entre elles. Et voilà, ça se passe en 1943. Et d'un coup d'un seul, un attentat contre des soldats allemands dans la rue, et un officier débarque en disant « Eh ben, je prends deux otages par appartement ». Comme je vous connais, je vous laisse le choix, c'est vous-même qui désignez les deux otages. Oh, quelle horreur. Ah non, très bonne écriture. Ah voilà, oui, c'est bien. Et à partir de là, on va voir comment évolue la soirée. Ça me fait penser à un film qui est sorti récemment sur Netflix, où il y a 60 personnes, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, elles doivent être choisies, et entre elles, et elles doivent tous se désigner. Il y en a une qui meurt, en fait, tous les deux minutes, en fait, elle est électrocutée. Donc il n'y a pas moyen, évidemment, de s'en sortir. Hein. Et les gens commencent à parler, et puis le dialogue commence à apparaître au bout de 15 minutes. C'est là que tu commences à voir vraiment qu'entre notre instinct de survie, et entre les ethnies, entre les religions, entre le sexisme, et là, tu commences à voir l'individualité de la personne qui sauve sa peau, et c'est une très très belle écriture. Je suppose que c'est un peu dans ce sens. C'est un peu dans cet état d'esprit-là. Oui, tout à fait. Ouais, ça doit être pas mal. Vous jouez quand, là? Alors, on n'a pas la date exacte, ce sera pour le courant avril. Ah, il faut nous dire au courant. J'aimerais bien. Ouais. Ah, bah, ça va pas être très loin de chez moi. Ça va être très bien. C'est CSE ou Roger Salengro? Pas CSE, on sera sans doute dans une plus petite salle. D'accord. Bah, écoute, avec plaisir. Ah, j'aimerais beaucoup ce genre de pièces. Voilà, et puis envoyer l'information, quoi, c'est chouette. Et puis aussi avec une autre équipe, Théâtre Évasion, où là on continue un spectacle. On était venu présenter encore un peu plus tôt, c'était il y a un peu plus d'un an. Oui, je me souviens. Carcan, donc deux personnes qui se retrouvent enfermées dans une caisse, ils ne savent pas pourquoi. Ils ne se connaissaient pas, ils ne savent pas qui les garde. Et à partir de là, on va voir ce qui va se passer. C'est, en tout cas, il y a un homme et une femme. Il y a, on va dire, c'est un petit peu un parallèle avec la légende d'Adam et Ève, on va dire. Onissa Véro, je devais compter monter la pièce avec vous. C'est les trois font la paire. Sauf que là, on a un peu inversé le principe. C'est que au début, ils sont vraiment dans les ténèbres et ils vont aller vers la lumière, en tout cas vers le mieux-être. Contrairement à la légende d'Adam et Ève, où là ils sont chassés du paradis pour aller sur Terre ou en enfer, c'est un peu la même chose finalement. Ouais, enfin avant de croquer la pomme. Oui. Tu sans taper le jus de fruits. Hein. C'est ça. Tu vas me dire, c'est encore la faute des femmes, c'est ça. Ah non, je suis pas misogyne. Merci les femmes. Donc voilà. À part ça, qu'est-ce que vous faites de beau à Noël, les enfants? Qu'est-ce que vous préparez Oui, ils sont en train de se dire, c'est con comme. Famille tout simplement. Ouais. Je suis très heureuse, pour la première fois, je fais Noël avec mon fils quand même. Ah oui. Pour les auditeurs qui ne me connaissent pas. Depuis que tu l'as mis au monde, tu n'as jamais fait Noël avec? Non, parce que j'ai toujours travaillé. J'avais une boulangerie, donc on travaillait tout le temps. Après, j'ai travaillé en restauration, que maintenant, j'ai la vie de tout le monde. Et quel âge ton fils maintenant, 51? 21. Ah non, 21. Et je l'aime. Et alors, à la boulangerie, t'étais vendeuse? Oui, c'est moi qui tenais ma boutique. Ouais. D'accord. Okay. Et on s'éclatait comme ça. Non, parce que je me pose une question, c'est est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui est venu te voir en te demandant si t'avais des grosses miches? Oui. Mais elle lui a mis un pain dans la tronche. Mais il y a vraiment des gens qui te l'ont fait, la blague ou pas? Oui, si, t'as toutes sortes de blagues. Et la tarte aux concombres aussi? Non, ça pas, parce que je les connais, les blagues. C'est ce que dit le boulanger, son pain au four. C'est en Flandre. Et t'en dois le mettre. Ah oui. Spreken Nederland, ça marche pas pareil, la tarte aux concombres. Ouais. Et puis les concombres en Flandre, ça n'a pas de succès. Non. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah, c'est moins le concombre. Non, je laisse un blanc. Par contre, les concombres, il y en a plein. Hein. Quoi c'est... Les concombres, il y en a plein. Oui. Donc voilà. Ah, ben toi, qu'est-ce que tu fais à Noël alors? Qu'est-ce que je fais? Je le fais aussi en famille dans un restaurant. Ah, sympa, absolument. C'est chouette. Avec ma famille, avec certainement mon fils. Ah, ça voilà, c'est chouette, cool. Que du bonheur, j'ai ouais. pas vu depuis longtemps. Qui a aussi 51 ans. Qui a aussi, ouais. Non, qui va avoir 26. Hein. Ah ouais, voilà. Et voilà. Toi, Picat? Rien de spécial pour Noël. Non. Non, je récupère mon gamin le 27. Ah, c'est chouette, ça. Donc, ça va être, à mon avis, très simple encore cette année. Ouais, et puis tu feras Noël après, quoi. Du coup, vous faites quelque chose et c'est... Et toi? Ah bah, famille avec les frères, sœurs et neveux, nièces. Donc, on, ah ouais, c'est on chouette, va être assez ça. Nombreux, ouais, ça risque d'être pas mal. Ah oui, moi, c'est la première fois que je vais vraiment le faire en famille. Allez, je le fais chez dans la famille de la copine de mon fils. Et c'est une super famille, ils sont pleins. C'est vraiment l'esprit de Noël, quoi. Enfin, moi, c'est important, quoi. Vous avez réussi à trouver les cadeaux? Ça galère, cadeau. C'est galère, voilà, comme c'est d'habitude. Quelle galère. Mais non, vous venez chez moi, il y a plein des cadeaux. Je vous trouve tout ce que vous voulez. Eh bien d'accord, on débarque chez toi, on prend chacun un travail. Ouais, je travaille au cadeau, donc... Mais je vais y passer, justement. Ouais, non, mais ouais. Tu trouves... Il y a toutes sortes. Hein. Moi, j'ai trouvé tous les cadeaux, presque tous mes cadeaux. Bah, il n'y a pas de boîte à mouchoirs. Ouais. Oh non, j'y étais cet après-midi et cherchais un petit truc. C'était une attention plutôt qu'un cadeau. Je cherchais une boîte à mouchoirs, 16 styles métalliques et tout pour mettre les trucs Lotus. Et on trouve plus. Et il y en avait très très belles avant qui étaient peintes à la main. Bah, je te l'ai dit, hein, tu peux retrouver, mais à customiser toi-même. Blanc, quoi, voilà. Donc, ouais, c'est donc, ça. Ouais. Maintenant, et c'est... la boîte est trop petite. Merci. Bah écoute, ça me flatte. Vu ce que tu voulais que je mette devant et derrière, ça me flatte. Voilà. Une boîte, oui, flic 4 écoutant, une boîte à mouchoirs faisant quand même 31 cm. Et... Mais l'avantage, c'est qu'il y a 4 faces. Donc voilà. Bon. Je vous propose de. Ce de moment de culture. Je vous propose une petite pause musicale. Non, mais on a eu un délire en début d'après-midi sur une boîte à mouchoirs. Donc, avec David Bowie et China Girl. Yeah. Et ensuite avec Break Machine et Street Dance. Oh oui, c'est bon. Oui, ça. J'adore. Allez, bah, c'est parti. Qu'est-ce que t'aimes pas, toi? Hein? J'allais dire quelque chose, mais ce serait méchant. Ouais. Get excited. Et oui, vous étiez en compagnie de Break Machine dans Street Dance, la danse de rue. Ça, ça nous a fait vibrer dans ces années-là. Qu'est-ce qu'on... C'était vraiment sympa parce qu'il nous avait apporté quelque chose de nouveau. À chipper, à choper. À chipper, à choper, absolument. C'était vraiment une très très bonne époque. Donc vous êtes toujours dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM Moucron en compagnie de Flipkata. Oui, surnommé Mèche Rebelle. Ouais. Bah, elle est pas rebelle. Sherlock, jamais surnommé. C'est ça, bonsoir. Et nous sommes avec. Déjà, je m'énerve. Attends, je vais reprendre mon souffle. Onissa. Bonsoir. Et nous sommes aussi avec toi, toi, toi qui fais du spectacle. Et dont je suis en train de bouffer le prénom. Merci, c'est gentil. C'est gentil. C'est beau comme prénom, c'est gentil. Bonsoir, gentil. Non, c'est Alex ? Non. Raté, c'est mon partenaire, Alex. C'est par merde, on parlait de. Michael. Michael, voilà. Mais non, mais en pourquoi plus, tu l'as aidé, toi ? Je sais très bien. Parce que sinon, à 22h30, on était encore là. Ah non, mais j'ai tous les défauts du monde, mais je suis honnête. Non, je zappais en même temps. Si, si, bien sûr, Alex. Michael. Nous sommes aussi avec Véro. Oui. Alors Véro, c'est vrai qu'on ne l'entend pas très souvent, c'est notre maman à nous, c'est vrai qu'on en a déjà parlé. En fait, t'es là depuis combien de temps, Véro ? Parce qu'on va parler de Noël, tu peux pas nous mettre un jingle bell, jingle bell ? Je l'ai pas, mais... Ça fait 8 ans, Véro, elle était là, ils ont construit la radio autour, en fait. Ah, ouais, voilà, bah ouais, ça fait 8 ans. Ah oui, 8 ans quand même. Alors Véro, en fait, fait partie, vous la voyez souvent, de nombreuses fois quand même sur les photos, donc elle fait partie de l'équipe, mais au titre plutôt, j'aime pas dire tu t'occupes du bar, c'est-à-dire c'est plutôt la logistique et le rafraîchissement des animateurs, donc en fait elle sert la bière, elle sert la bière, et puis ça paraît pas, parce que non, mais... La gestion derrière. Et puis derrière les verres, ça salit, faut les nettoyer, faire la gestion derrière, récupérer aussi les sous que nous donnons systématiquement à l'heure prévue, à 2-3 mois près, on espère que vous passez une bonne soirée. Donc, nous allons attaquer. Ah, toi, ta chronique, c'est 21h. C'est ça. Voilà, alors moi, je vais non pas me meubler. Alors, on n'a toujours pas de nouvelles de Harry. Moi, je pensais le voir un peu sur les réseaux sociaux. Apparemment, effectivement, c'est une sacrée. Tourista général. Il est atteint. Donc, mais c'est qui ce Harry dont tu me parles? On pourrait peut-être en parler. Harry, c'est qui en fait? Mais Flipkat, pour toi, Harry, c'est qui? T'enregistres-moi. Ça fait un moment que j'en entends parler. En bien, en mal. Et franchement, j'arrive pas à cerner le personnage. J'aimerais le découvrir, j'avoue. Ouais, pour le cerner, il faut être nombreux. Il est imposant. Non. Est plutôt imposé. Et puis, il faut aller le chercher. Quoi. Quoi, c'est pas gentil? Non, moi, j'aime bien. On t'a déjà dit. Ah bon, hein? C'est parce que tu disais hors antenne. Non, mais toi, tu couches parce que t'es en période d'essai et que c'est l'animateur. Ouais, voilà. C'est ça, toi. Moi, il me touche. Moi, j'aime bien. Ah bon? Maintenant, on va tout savoir, voilà. Ah ouais, d'accord. Je comprends mieux. À la femme d'Harry qui nous écoute, on plaisante. Il ne touche que Sherlock. Et à la femme de Sherlock, c'est vrai. Ouais, non, il n'y a rien de... C'est purement sexuel, quoi, en fait. C'est... Oui, mais... Voilà. J'ai jamais vu avoir de sentiments, d'ailleurs. Ça a toujours été... Puis en amour, il n'y a pas que les sentiments, il y a les centimètres aussi. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas vrai, c'est ça. Non, oui, les centimètres, pas. Véro qui dit hors antenne, c'est important. Non, non. Les centipèdes aussi. Mais c'est un les autre centimètres domaine. Ne sont pas importants, c'est la façon de se servir. Oh, c'est beau. Non, c'est réaliste. Véro est énervé, quand même, vas-y, défends. Mais si tu défends ton opinion, c'est au micro. Ah, Véro a déjà connu quelqu'un qui avait un micro-pénis, apparemment. Ouais. Oui, et c'est pas très top. Oui, non, mais il savait pas s'en servir. Oh, bah non, mais c'est dur. Hein. Bah, tu dis, quand t'as un micro-pénis, c'est dur. C'est dur, c'est déjà une bonne chose. En même temps, j'allais dire. Ouais, c'est déjà ça. Ça vaut mieux. Oui, déjà. Ouais. Bon. Ouais. Donc, on peut lui passer à bonjour, c'est quoi son prénom? T'as encore son GSM? Ah non, j'ai plus. Voilà. Ça remonte à loin. Oui. C'est vrai? Elle a zappé. Non, maintenant, ça va juste ce qu'il faut. Ah, c'est beau, c'est bien. Si tu nous écoutes, toi qui es. D'ailleurs, on passe une grosse soirée, on l'embrasse. Si tu nous écoutes, toi qui as la clé de ma grosse soute. Non, pardon. Et donc, voilà. Non, non, non, mais c'est bien. Donc, moi, je vais vous parler plutôt sérieusement. C'est de la troupe Tendance. Est-ce que vous vous souvenez? Oui, c'est oui, oui, qui était venu, voilà, qui avait fait donc leur spectacle de Noël qui s'est produit ici samedi au CSE de Waterloo. Et puis, bah, c'était leur, la première fois. Alors, la troupe Tendance, je la connais très, très bien. C'est une troupe constituée de jeunes femmes talentueuses qui se sont lancées plutôt dans un petit peu de l'opéra rock au départ, je dirais du cabaret, mais sans plus de prétention. Elles ont commencé à écrire des spectacles, elles ont commencé à rassembler dans leur troupe plusieurs danseuses, faire des chorégraphies qui sont beaucoup plus chiadées, ramener un magicien professionnel, c'est Maxime que vous aviez, qu'on avait reçu ici, qui fait plus de 2 mètres, c'est un grand grand magicien par son talent et par sa taille, et aussi des clowns donc dans le spectacle, et une chanteuse qu'on avait reçue aussi, oui, en plus. Donc ça a densifié en fait leur chorégraphie et je dirais le spectacle par lui-même, et se sont produits là au CSE devant 273 personnes très précisément, oui, j'ai bien eu l'info sur mon télétexte Minitel il y a 3:24 de la part d'Emilie de Wulf, la présidente qui nous salue. Je viens de claquer mon portable, j'ai plus de casse. Allô Houston. Voilà. Ils ont fait un carton, donc c'était un très très beau spectacle de Noël. C'était leur première pour voir si ça pouvait fonctionner. Ils l'ont autofinancé, puis ça fonctionnait plutôt pas mal. Ah bah eux. Tant mieux, c'est ils chouette. Sont, voilà, moi je suis très très content. Voilà. Si, si. Donc ils nous embrassent et puis on les embrasse aussi. C'était très très bien. Voilà, moi j'ai terminé, je laisse à blanc. D'accord. Mais il faut rappeler également que. Alors c'est le 17 décembre. Oui. Dès 20h. Dès 20h, ouais, bah alors d'ici j'arrive pas bien à lire. Ouais. En plus, alors c'est au Chin Chin en fait. Non, vous a, on... Ah ouais, Chin Chin. Le faut-il fameux. Les présenter? Oui, on le avait... fameux Chin Chin. On avait reçu ici en fait un chanteur assez exceptionnel qui était Nolan. J'ai eu l'occasion aussi de présenter, enfin faut-il le présenter, Fabrizio Zeva, avec lequel aussi j'ai eu le plaisir de chanter sur scène. Et ces deux chanteurs assez exceptionnels en compagnie de Mélanie Bouffito vont se trouver le 17 décembre. Donc notez bien les fifis si vous nous écoutez, parce que le 17 décembre à fortiori c'est dans 3 ou 4 jours. C'est dès 20h, ça se trouve au Chin Chin, au 13 rue de la quelque chose, on va me le dire, à Antoine. De la Pêcherie. Donc c'est Antoine, vous avez un très très beau spectacle avec Nolan, voilà, c'est vraiment des chanteurs assez exceptionnels. Fabrizio Zeva, faut-il le présenter aussi. Mélanie, je ne la connais pas personnellement, mais j'ai entendu chanter, c'est vraiment très très très bien. Donc n'hésitez pas à vous rendre là-bas. Et il y a Alexis là-bas. Également, oui, Confortorio. Confortorio et Martine Viala. La veille, se... oui, la veille. Qui font un... Bah alors, on va pas dire de bêtises. Est-ce que c'est le 17 décembre qui se présente et c'est le 18 que chante? On va vous donner l'information. Dans tous les cas, c'est la SBL, un rêve, une étoile et tout est possible. Vous pouvez vous taper sur Facebook, un rêve, une étoile et vous allez voir, il n'y a pas besoin de taper le reste. Vous aurez la page et vous avez l'actualité qui s'y présente. Donc, oui, et puis les prix sont démocratiques. Hein, très démocratiques. Avec le repas, enfin, ça a l'air quelque chose de chouette. Hein. Ah oui, oui, non, mais c'est vraiment un beau spectacle. Et puis tous les fonds, on vous rappelle, la SBL, un rêve, une étoile et tout est possible, en fait, sont repris pour aider, enfin, notamment, les enfants, en fait, à, donc, défavorisés, mais pas que. Moi, j'ai déjà vu aussi arriver, là, des meubles, voilà, des gens qui étaient vraiment dans la merde, voilà, après une maison brûlée, tout ça, et puis des meubles ont été fournis, ils font vraiment des choses très, très, très bien. Voilà, je refais un blanc. Non, mais en parlant de ça, n'empêche, on peut parler de Marjorie aussi, quand même. Je refais un blanc. Non. Parle-en, vas-y. Oui, qui a fait son défi extrême ce week-end. Donc, Marjorie Dumullier. Oui, et. Qui nous écoute, hein, elle nous a envoyé un. Ah, j'ai fait un gros bisou, Marjorie. Ah, merde, non, attends, il faut qu'on reste sérieux, donc elle nous écoute. Non, non, elle a quand même. Salut, attention, toi. Elle a réussi son défi extrême. Absolument. Quoi, l'ascension, canyoning, enfin. Je t'embrasse, Marjorie, parce que je t'ai mis 5 appels plein phare à 15h40 tout à l'heure quand t'étais en train avec une dame de marché, mais tu m'as pas vu. J'étais obligé de circuler, il y avait beaucoup de monde sur la route. Voilà. Je t'ai croisé tout à l'heure. Non, non, ça force le respect. Ouais, rappelons, c'est qu'en fait, réussi, voilà, au nom de plusieurs associations, voilà, Marjorie voulait défendre en fait le fait que malgré, bon, elle a un handicap, elle a une grave maladie qui l'a frappée et que bah tout était possible. À et celui donc, qui croit. À celui qui croit, absolument. Et donc, elle s'est lancée. On entend tellement de choses maintenant, les gens se disent ouais, ok, elle est quand même partie avec cet handicap sur la jambe, avec des béquilles qui ont été équipées spécialement, et crampons, voilà, et des crampons pour faire une ascension. Je sais pas, quand vous faites plus de sport, vous fumez un peu, quand vous avez fait 400 mètres et qu'il y a une pente à 3%, vous sentez quand même quand vous arrachez. Imaginez de le faire sur 2800 mètres, je crois, avec des béquilles. Ouais, c'est à fond romeu, qui, hein, qui a été c'est juste à côté d'Andorre, donc voilà. C'est quand même, c'est les Pyrénées, quoi. Voilà. C'est pas des petites collines. Une fois que vous avez ça le lendemain, bah, imaginez-vous en rappel descendre et faire du canyoning. Je vous assure, quand vous voyez la photo, c'est pas un truc qui fait 1m50, donc c'est vraiment du canyoning. M'a-t-on dit Sherlock? Alors il y aurait une, parce que j'ai pas pu faire. Bah oui, alors normalement elle devait faire l'apnée sous la glace. Oui. Et apparemment il n'y avait pas assez de glace pour faire ça. J'ai pas tout compris, j'ai pas trop suivi non plus, mais oui, c'est vrai que apparemment elle n'a pas eu l'occasion de faire le dernier, mais elle a dit c'est que partie remise. D'accord. Bah, oui, écoute, parce qu'elle s'est entraînée quand même, dit c'est ouais. des heures et des heures. Marjorie, par contre, si tu nous écoutes et que tu veux nous mettre un petit, enfin pas un like, mais nous expliquer un peu ce qui s'est passé, on pourra peut-être pas tout lire pendant des heures et tout ça, mais qu'on ait un petit peu l'info, on va la transmettre, voilà. Oui, il y a pas de problème. Donc, en tout cas, on est fiers de toi. Oui, super. Ouais, on est très très fiers, franchement. C'est le top, ça, quand même. Bah oui, la foi, l'envie de bien faire, c'est elle qui nous l'a répété. Et puis, dépasser ses limites, quoi. Attends, c'est comme ça, force le respect, quoi. Ah oui, mais tout à fait. Donc c'est bien, il y a encore des gens qui le disent, qui le font. Oui, donc, voilà, c'est ça. Et à nouveau, voilà, il n'y a pas de droit d'auteur derrière, tout a été refait, c'est pour le cadre d'une association. Donc c'était très beau, c'était très bien. C'était magnifique, franchement. Donc voilà, je vais refaire un blanc. Tu vas arrêter, c'est blanc. J'adore ce qui prévient quand même. Quoi. Je vais faire un blanc. Sympa. Bon, non, mais quatre, je ferais bien, chose, quoi. Je ferais bien un gaz, mais on est quand même à 4 minutes. On est à 4 minutes de la pause audio, donc je vais attendre. Non, mais on peut la faire tout de suite. Hein, la pause audio, c'est pas gênant. Je pensais que tu parlais. Ah, bah je vais faire un gaz. Alors, Nissa, tu dis quelque chose, mais tu m'en laisses pas. Ta voix. Bah oui, mais tu me laisses pas en placer une. Vas-y. Oh, exprime-toi, mon enfant. Mais maintenant, j'ai plus envie. Voilà. Il va faire son petit caprice au Calimero. Voilà. Pas content. Cool. Mais pas content. Hein. Je suis un humain. Pardon. Pardon. Bon. Oui. Bon, écoutez, on va faire une petite pause musicale. Tout à l'heure, d'accord. Si. Non, c'est important parce que c'est dans ma culture générale. Il y a une demi-heure de ça, j'étais dans un bar et j'ai bu une bière qui s'appelle La Chatte. Ah, d'accord. Non, c'était pour vous le dire. Et elle est très très bonne. Oui, mais j'ai entendu parler. Ça m'a étonné. Si, si, non, mais je l'ai vu. Tu as déjà passé sur Facebook La Chatte. Et la quéquette. Tu l'as déjà essayé? Oui, c'est vrai, j'ai vu aussi la quéquette. Alors, si vous l'avez déjà essayé, la quéquette, je vous laisse parler entre vous. C'est bien rouge, fruit rouge. Non, non, mais on va laisser. On va arrêter le blanc et la pause musicale. On va enchaîner. Attendez, s'il vous plaît. On va laisser Flipcat et Sherlock parler de leur quéquette. Alors, votre expérience. La première quéquette que vous vous êtes faite. Ah bah écoute, passé comment? Moi je ne bois pas, donc je ne sais pas. Ça donne quoi en bouche? Je ne l'ai pas encore goûté, donc t'as pas encore très fruité. Tu as quel âge aujourd'hui, Flipcat? Non mais t'as le même âge que moi. Ouais, bon à peu près 50, allez, d'accord. T'as déjà goûté de la quéquette? Mais non, il paraît qu'elle est bonne. Non, et de la chatte? Non plus, non. J'ai encore de la chouffe. Ouais. Je te ferai goûter de la chatte bientôt. Ouais, bah écoute, avec plaisir. Le bar où on est, on ira à deux et on se fera de la chatte toute la soirée. Je suis habilleux. Je vous rassure. Et... Oui. Et comme ça, Charlotte pourrait goûter sa première quéquette. Oui, mais il en faut une bien raide. Onissa, c'est zizi coin coin, mais. Non, j'aime pas. Non, pourtant les canards. Bon, bah, vous savez quoi? Je vais faire un blanc. Il y en a des beaux. C'est ça, bon, bah écoute, moi je vais combler ton blanc par une pause musicale avec Queen et Another. The One Bites the Dust et Talk Talk avec Such a Shame. Yeah, j'adore aussi. Voilà. Mais qu'est-ce que t'aimes pas? Toi. Such a Shame. Allez, c'est parti. And you're long. Barely down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey. I'm gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. Are you happy? Are you satisfied? How long can you stand the heat? Out of the doorway, the bullets rip. Look out! Another one bites the dust.

Eh bien oui, nous sommes de retour sur l'antenne de RQC 95 FM, c'est l'émission 80 à l'heure. Donc c'était donc Toc Toc avec Such a Shame, et juste avant nous écoutions Queen avec Another One Bites the Dust. Et Michael, donc qui est parti se désaltérer, me disait que Another One Bites the Dust, c'était la meilleure vente de Queen aux États-Unis. Ah bon? Eh ouais. Wow. C'était reste, enfin ça reste encore la meilleure vente de Queen aux États-Unis. Bah, faut dire que c'est un beau titre. Hein. Ouais, mais enfin, je m'attendais à, ouais, par exemple, t'as... Bohemian Rhapsody ou des chansons comme ça qui sont vraiment emblématiques, qui se seraient beaucoup mieux vendues. Ou même Breakthrough. C'était à l'époque d'MTV avec le clip sur le train, des titres comme ça. Ouais, exact. Et ouais. C'est vrai que je m'attendais pas à ce que ce soit ce titre-là qui cartonnait aux States. Bah non, même The Show Must Go On, quoi, ouais, qui est sorti en 91. C'est le truc. Je me dis, enfin. Non, quoi, non, hein, non, Another One Bites the Dust. Bon, d'accord. Ok. Ouais, donc ouais, c'est vrai que tu... C'est étonnant quand même quand on connaît la notoriété du groupe, se dire que c'est un titre, enfin, qui est quand même super connu, mais c'est pas, c'est pas le plus emblématique du groupe. Ouais, quand on parle de Queen, c'est pas le premier qui vient à l'esprit, limite. C'est vrai. Et aux États-Unis, c'est celui qui s'est le mieux vendu. Et il y a une raison particulière ou non? Bah, je sais pas, faudrait demander à Michael. Ah oui, bah, dès qu'il est revenu, on va lui. Je crois que ouais. Non, mais il y a beaucoup comme ça, on je l'a vu. Je crois que t'as une culture hein. Parfois musicale. C'est vrai que tu vas mettre des latinos, ils vont accrocher sur une chanson. Ouais. Ils ont quand dis, même c'est des... sympa, mais pourquoi celle-là? Et moi, c'était par exemple Queen. Moi, c'est Radio Gaga. Je l'ai connu comme ça. Oui. Mais je crois que c'est... Alors, je sais pas quand c'est sorti Radio Gaga, mais je devais avoir, je sais pas, 16 ans, 17. Il y a longtemps. Et Queen existait déjà. Et c'est là, en écoutant Radio Gaga, je suis retombé sur Flash. Oui. Et c'est là que je me suis rendu compte que les guitares, ça commençait à m'accrocher vachement. C'était en 84. Ah bah tu vois, j'étais en train de me demander, donc, j'allais dire 83, j'étais pas loin. 17 ans, Radio Gaga. Oui, 84. Ouais, mais c'est là que j'ai commencé vraiment à accrocher, m'intéresser à Queen. Et en fait, je connaissais d'avant par Flash. Ouais, Flash Gordon, ouais. Qui doit être bien avant. Et pourtant, ça m'avait pas. 80 Flash. 80 ouais. Ouais, que 4 ans avant. Ah oui. Tu vois. Donc, c'est le début de l'époque où ils ont utilisé les synthétiseurs, d'ailleurs. 67, 13, ouais, j'avais 13 ans. Ouais, 13 ans. Et là, c'était une révélation. Mais on en a déjà parlé, hein. Il y a pas mal de groupes, même en terre conquise, je veux dire, chez eux, qui n'ont pas cartonné avec des singles qui ont cartonné en Europe. Ah oui, non, qui n'ont pas remporté les mêmes succès, qui n'ont pas eu les mêmes classements dans les charts. Bah, c'est vrai, après, quand t'entends, j'écoutais tout à l'heure dans un bar, c'était Let's Dance de Bowie. Quand tu vois à côté de ça Shine a Girl, c'est le même artiste, une hégémonie, ce gars-là. Mais quand t'écoutes musicalement, si t'es un peu musicos, ça n'a rien à voir. Quand t'entends l'univers de Shine a Girl et que tu entends après, quand il fait un truc comme Furio, quand il reprend après Let's Dance, tu te dis, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même couleur, la même rythmique, la même intention, et il cartonne. Oui, parce mais que tu te souviens, j'avais fait une chronique là-dessus. Furio, c'est pas lui qui a fait la musique, hein, par contre. Non. Pardon ? Furio, c'est pas lui qui a fait la musique. Ah non, pas la musique. Il joue dedans. Il joue dedans, mais c'est pas lui qui a fait la musique. Tu parlais de China Girl, j'avais d'ailleurs fait une. Oui, China Girl, Furio, pardon. Une chronique sur David Bowie et également sur Iggy Pop, savoir que c'était Iggy Pop qui l'avait fait. Puisqu'il y a toute une période, ils ont travaillé en étroite collaboration. Ouais, tout à fait, oui. J'avais même passé d'ailleurs la version qui est beaucoup moins connue d'Iggy Pop. Mais c'était autant Ziggy Stardust. Non, c'était déjà sous la houlette de David Bowie. C'était, non, c'est après. Hein. C'est après. C'est 83 aussi, je crois. De toute façon. Alors après, il y a les critiques sur ce genre d'artistes sont très partagées. Il y en a qui disent ouais, c'est de l'opportunisme, c'est juste pour continuer à vendre, faire la bonne musique au bon moment. On peut le voir comme ça. On peut aussi voir au contraire comme des gens qui ont énormément de talent et qui savent être bons sur plusieurs styles différents. Ah bah oui, bah, voilà, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, ouais, ça rejoint une fois Nolwenn Leroy. Vous connaissez, vous aimez ou vous n'aimez pas. Mais il y a une chose qui m'avait, ça rejoint tout à fait ce que on s'était foutu d'elle une fois pour plein de choses. Et je me suis dit, cette gamine qui a quand même comme toutes les autres se retrouve à un concert de Johnny Hallyday invité devant un truc, mais elle est là en train de chanter en attendant les gens la voient. Donc ça, c'est jamais de l'opportunisme, c'est simplement parce qu'elle a un vrai talent, parce qu'elle est au bon moment, mais que l'artiste derrière, qui est très bankable, je crois que monsieur Johnny Hallyday, que je crois que quand il va mourir, il y aura un jour de deuil national. Ouais, je n'irai jamais voir un concert de Johnny Hallyday, je n'ai jamais acheté un CD de Johnny Hallyday. Par contre, je n'imagine pas aujourd'hui, on me dit Johnny Hallyday, pour moi, c'est vraiment un phénomène. c'est le mec, l'archétype de la personne à 75 balais qui, ah, que machin, le mec, il balance ça devant 4000 personnes, t'es à genoux, ouais. quoi. Parce qu'il envoie, et puis nous, on se dit, ouais, mais nous, on a du talent, ferme ta gueule. Lui, il en a. Lui, c'est un rocker, lui, c'est un j'ai phénomène. Scène, pourquoi là, attends, moi, c'est pareil que toi, j'ai pas un CD. Le seul que j'ai, je vais te dire pourquoi, j'ai une compile, en fait, qui date de 84, parce qu'il y a un groupe qui joue avec. Les formants. Non. Mais non, c'est les vagabonds. Ah, les vagabonds. Et non plus, les Stray Cats. Et c'est le seul album de Johnny Hallyday à Nashville que j'ai. Sinon, j'ai pas de. Ah oui. J'entends. Ouais, Nashville, j'avais entendu ça. Nashville 84. Stray Cats, tu sais, puisqu'on a complètement une culture différente, je n'ai jamais acheté d'album. Les Stray Cats, quand ils avaient sorti dans les années 84, voilà, j'avais acheté l'album. Parce que j'avais trouvé ça, c'était une nouvelle lumière, c'était novateur. Et puis d'un autre côté, c'était vraiment sympa. Mais ils n'ont pas continuer, peut-être après par la suite, si, mais ils sont redevenus, ils avaient peut-être, comment, quand t'as un style et une niche, je pense qu'ils avaient, sans faire du commercial, lancé ce style pas, rockabilly, mais ils quand même plus festif, c'est-à-dire qu'ils pouvaient être écoutés par tout le monde, ils sont repassés après dans un style, dans cette niche, où moi je les ai perdus parce que c'était pas ma couleur, et ils ont réussi à faire cet album dans les années qui était beaucoup plus de clarté. Ils ont relancé un style qui était désuet, en fait. Non, ils ont relancé un style, mais c'est vrai que c'était novateur dans le sens où... c'était pas le rockabilly vraiment 50s pur. Ouais. Ils ont été aussi décriés par des puristes. C'était ce qu'on appelait du néo-rockabilly. Et c'est depuis ce temps-là, puisque vous parlez toujours des formants, vous regardez, c'est tout ce que tous ces groupes c'est qui toi ont. Toi qui en parle tout le temps. Non, moi, tu sais, non, sérieux, il n'y a pas une émission où non, vous ne faites pas chier que les formants. Mais il n'y aura pas une émission où on ne fera pas chier que les formants. Ah, si j'ai un vœu à faire, si j'ai un vœu à faire. Ce serait qu'au moins il y ait au moins rencontrer les formants. Et dans 20 mais ans. Mais ça peut peut-être se faire. Hein. On peut peut-être essayer de te trouver. Ou même peut-être Sanders des Vagabonds. On peut peut-être essayer de le voir et que tu viennes avec nous. Hein. Ouais, tu sais, mais je suis sûr qu'ils ont. Enfin, mais non, mais là plus sérieusement, parce que c'est vrai que non, oui. Plus sérieusement. Plus sérieusement, il entend le sourire dans ta voix. Mais oui, mais heureusement qu'il n'y a pas de vidéo dans le studio. Voilà, c'est ça, parce que c'est de la radio, donc on ne voit pas ce qui se passe. Non, mais il vaut mieux. Mais le truc, c'est que bon, t'aimes pas les forbans. Je le comprends, je peux le concevoir. Le truc, c'est que eux ont aussi une culture qui est sûrement rockabilly, mais ils ont été contraints aussi par leur maison de disques de faire du commercial comme ça pour que ça se vende. Mais peut-être que eux aussi ont du vrai son rockab dans leurs albums, parce que t'as sûrement pas écouté leur album. Hein. Pardon. T'as sûrement pas écouté leur album. Je me rappelle que j'ai quand même fait une chronique. Donc ouais, je sais bien. Et je vous ai mis les originaux. Ouais. Mais bon, après, t'as peut-être pas écouté tous leurs titres. Je vais pas me taper et la discographie complète. Et voilà. Et dedans, il y a peut-être vraiment des titres rockables. Tu serais peut-être étonné. Hein. Donc, parce que non, j'ai pas envie de m'étonner. Non, mais parce qu'ils ont quand même déjà français, j'ai de la misère derrière, quoi. Donc, oui, voilà. Et je pense que rencontrer les formants, ça te ferait du bien. Ce serait un exutoire pour toi. Oui. Ça, c'est toi qui penses. Non, franchement, non. Non, attention, j'ai toujours dit, je n'aime pas, c'est tout. J'ai pas dit qu'ils étaient nuls ou quoi que ce soit. Mais c'est quand même pas, de toute façon, c'est pas le même public non plus. Mais tu sais, on dit ça, ils seraient là aujourd'hui. Mm. Et tu serais là, moi je leur poserais la question, mais pas pour me moquer. C'est justement toi qui es un vrai rockab, c'est leur dire comment vous avez pu, mais sans moquer d'eux, avoir autant de succès. Parce que ces mecs-là, ils ont fait des scènes, ils ont gagné de ce qui avait été lancé. Un million de fois plus d'argent que moi, ils ont eu un million de plus de spectateurs que j'aurais jamais dans ma vie. J'en ai eu trois, je crois. Et ma mère, mon père et moi, je me suis regardé à la télé. Non, ce que je disais, c'est. Et dire comment vous avez réussi à percer là-dedans, parce que c'est vrai que c'est. Ils ont profité de la résurgence du mouvement. Parce qu'on a dansé là-dessus, dans des mariages, on a fait des fiestas, et par rapport à d'autres titres qui sont sortis, aujourd'hui, si on commence, mettez base, on connaît tous la chanson. C'est-à-dire, il y a quand même une adhésion qui a été faite sur ce genre de musique. Donc, quelque part, c'est, bon, ça n'a rien à voir, mais on parle politique parfois par rapport à certains partis où les gens sont tous des cons. Mais je veux dire, c'est pas pour le défendre, mais je veux dire, quand tu commences à avoir 45% de personnes qui commencent à se dire les trucs, il y a certainement là-dedans des cons, mais il y a certainement des gens qui commencent à le penser. Et je dis, c'est ce qui peut faire peur, ou d'un autre côté, se dire à un moment, ouvrez les yeux. Et je crois que les formants, c'était pareil. Cela dit, je leur jette pas la pierre. Ils ont surfé, ils ont profité justement de ça, c'était redevenu la mode. Ouais. Hein, et les Stray Cats ont lancé la machine, puisque aux States ça plaisait pas en 79. Se sont exilés, ils sont arrivés en Europe, se sont installés en Angleterre tout simplement. Et tu t'en souviens, ça c'était novembre 81, il y a eu le fameux clip que tu as certainement entendu. Et là, ça y est, la machine était lancée. Ouais, donc il y a eu après tous ces groupes d'ailleurs qui portaient, c'était tous des noms avec Cats dedans. Et ça n'a pas arrêté. Et eux, je leur jette pas la pierre, ils ont eu Cat bien Size, raison. Par exemple. Non, mais il y a eu plein de groupes, il y a eu les Rockass, les Bluecass. Et d'ailleurs, deux ans après, les États-Unis se sont dit oh putain, ils cartonnent les enfoirés. Et comme ce sont des Américains, des New Yorkais, ils ont dit bah tiens, venez chez nous. Donc ils nous, ont on a dit, eu deux. Chain, ah, monsieur, monsieur, monsieur, en France, les enfoirés, c'est pour les SDF. Non, ta gueule. Non, mais voilà, mais c'est pour dire qu'effectivement, je leur jette pas la pierre, ils en ont profité, ils ont eu bien raison. Ouais, je pense qu'ils ont envoyé. Mais ils ont touché à notre public. Je veux dire, des groupes qu'on va voir, c'est pas les groupes qu'on ira voir. Maintenant, je leur enlève pas leur talent. Ils étaient festifs, voilà. Je pense. C'est oui, tout à fait. C'est ça aussi. Et c'est aussi un côté familial. Comment il s'appelait? Oui, Blanchard. C'est complètement improbable. À l'époque, on était tous avec nos crêtes blondes, avec nos mini vagues, en train de danser sur de la. Mais seulement, c'est comme c'est lundi, Jesse Garonne. Oui, ils ont mis un truc festif. Oui. Ils ont décalé le truc, et je crois que les gens, les Français ou les Belges, ont toujours besoin, de temps en temps, encore comme ça, des ovnis qui arrivent, et tout le monde danse et chante dessus, parce que c'est simplement festif. À la limite, tourner les serviettes de Patrick Sébastien, on dira ce qu'on veut de ce mec-là. Tout le monde dit, ses paroles sont insipides, sa musique est à chier, et tout le monde a raison, parce que tout le monde crée ça en studio en 10 minutes. Le problème, c'est que lui, c'est le faire, parce qu'il y a le personnage. Parce qu'il y a tout le truc, et le pire, on est tous comme des cons dans des machins avec des serviettes. Avec serviettes. J'ai des photos de toi, Flipcat, et moi, et Sherlock. Je me demande à voir ça. Mais je me souvenais pas. Ah non, tu veux, je dis pas que c'est pas vrai. Tu te souviens que je connais un petit peu chez Charlie. Ouais. Non, tu veux pas les photos. Pourquoi pas. Il y a peu d'autres maintenant, du dossier. Mais si, mais c'est ça qui est rigolo. Ah oui, moi, c'est un photographe, ça a du dossier. Tu veux du dossier? Oui. Pas de moi. Hein. Ouais, bah... Et bah justement, en parlant de dossier, moi je vous propose la chronique Ciné Rétro 80. Oh, mon Dieu. Alors c'est parti. Nom de Zeus, les amis! Montons vite dans la DeLorean et repartons tous ensemble vers l'année 1987! Oh ouais, 87, ouais. Menton dans la DeLorean, c'est ce que les frères Bogdanov disaient. Ouais, ouais, menton dans la DeLorean. Donc, je rappelle un petit peu le principe de la chronique Ciné Rétro 80. Donc, en fait, j'ai regardé un film cette semaine, des années 80, que je vais essayer de vous faire deviner en vous passant des petits extraits sonores ou des extraits musicaux tirés du film. Vous allez essayer de retrouver ce film. Alors, Nissa, je sais que ça va être compliqué pour toi. Mais il y a tes amis autour de la table, ou pas, qui l'auront sûrement. Si, amis, c'est une autre histoire. Voilà, c'est ça. Ouais. Qui l'auront sûrement trouvé avant toi et qui pourront essayer de te mettre sur la voie en te donnant des petits indices également. Oui. Alors, on va commencer. Bon, je vais vous dire, c'est sorti le 25 mars 1987. Mercredi. C'est ça. C'est la seule chose que je sais. C'est déjà très bien. Oui. Et la musique est de Georges Delerue. Mm-hmm. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Attends, je regarde sur Compositeur Google. Compositeur français. Quelle année tu dis? Je crois qu'il est du Nord, non? Enfin, il était, parce que je ne suis pas là, sûr. Là, je ne sais pas, je ne me suis pas penché trop sur sa vie. Ouais. Mais alors le film a quand même fait 2,977,785 entrées au box-office français. C'est pas mal. Il a reçu 17 prix, dont 4 Oscars et 3 Golden Globes, et 4 même. Nominations. Wow. Donc c'est pas un petit film. C'est un gros gros film quand même. D'accord. C'est français ? Non, c'est pas français. D'accord. Alors je vais vous passer le premier extrait. C'est une musique. Écoutez bien. Alors, donc ça c'est Smokey Robinson and the Miracles avec Track of My Tears. Est-ce que l'acteur principal a été pilote d'avion dans un autre film? Oui. Donc tu as trouvé. Non mais je me doute, mais on en avait déjà parlé il y a quelques temps de mais ça. Je connais la chanson pour l'avoir chantée. Pas d'accord. Dans cette tonalité, mais en duo. Ok, alors, que dire d'autre? Ça se passe en 1967. Oui. Si ça peut vous resituer un petit peu. J'étais né. Ouais. Pas moi. Ça dépend quel mois peut-être. 26 juillet. Ouais, si, normalement, ça doit être ouais, ça. C'est ça. Ouais, moi, j'avais t'es dans le créneau. Deux ans et deux mois. Mais... et moi, j'étais de toi. Alors. Putain, il y a deux toi. Ouais. Ouais. Faut qu'il appelle le couvreur, d'ailleurs. alors, il y a porté plainte. Oh, la d'huile. Oh, là, là, là. Alors, je vais vous passer un autre extrait. Écoutez bien, là, c'est un extrait sonore du film. Écoutez ça. Hé, hey, t'es là. Hé. Hey. C'est ton tour, couille molle. Quoi? À toi de jouer. D'accord. Tu t'en tireras avec les mines requins, petit gars? Oui, sûrement. Déverrouille le cran de sécurité et tape là-dessus trois fois. Oui, trois fois, d'accord. Surtout, tâche d'éviter la ronflette bleusaille ou t'auras le cul qui saignera. T'as compris? Ok. Alors? Alors, 67... Est-ce que ça vous permet de situer un petit peu le film? Non. C'est... Mais en total, je dis pas de conneries, c'est pendant la guerre du Vietnam, déjà. C'est ça. Absolument. Non. Puisque ça débutait très tôt. Ouais, c'était... 54 et puis elle est terminée en 75. Ouais, c'est possible. Là, tu dis ça parce que t'as entendu le bruit des feuilles. Oui. Ouais, donc vous oui, pas le même bruit ça, en 67. Ça se passe pendant la guerre du Vietnam. Mm-hmm. Ouais. Et d'ailleurs, je vais vous passer donc le deuxième extrait parce qu'il parle de Viet Cong. C'est celui-ci. Où sont les Viet Cong? Écoutez. Où sont les Viet Cong? Nada au ici. Il jure qu'il n'en sait rien. Il hait les Viet Cong, mais ils viennent quand ils veulent. Qu'est-ce qu'elle dit, cette pute? Eh ben, j'en sais rien. Il est question de porc. Pourquoi on a tué son fermier? Ils doivent gagner leur vie en faisant des conneries comme ça. Merde. Il s'est fait. Alors. Il s'est fait refroidir. C'est ça. Alors, la donc scène, c'est une femme hein, qui s'est fait abattre. Oui. Une scène assez prenante. J'ai. Franchement, ça m'a bouleversé quand je l'ai vue. C'est une scène qui est quand même assez dure. Est-ce que le titre du film est en trois mots? Non, pas du c'est tout. C'est pas celui à qui je pense, alors, d'accord. Alors. Et pas en deux mots non plus, alors. Un seul. Donc, Canon, est-ce que tu as une petite idée? Est-ce que tu peux les oui, mettre oui, un si, peu sur la voix? Comment je pourrais dire sans donner d'indice? Si, je vois très bien quand il exécute la femme. Non, je vais laisser un blanc. Bon, je vais donner, bon, je vais donner des noms d'acteurs. C'est bon mot. Ça va peut-être c'est vous mettre sur la voix. La vas-y. Alors, donc, il y a Dale Dye, Mark Moses, Keith David, Francesco... Queen, parce que désolé, mon imprimante buguait un peu. Tony Todd, pour ceux qui connaissent, c'est Candyman. Ah, d'accord. L'acteur de Candyman, oui. Et plus récemment, c'est les. Pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent, pardon. Oui, c'est mieux. Je viens de me rendre compte. Je me permettais pas de te couper. J'ai l'élégance de ne pas relever et toi, tu fonces en plein dedans. Non, mais il y a raison. C'est un bête truc, mais pour ceux qui connaissent. Pour ceux. J'adore cette émission, c'est pour ça que c'est ma dernière. Mais je voulais. J'en pouvais plus. Moi. Je voulais dire pour celui qui connaît, pour ceux qui connaissent. Voilà. Destination Finale, c'est celui qui fait le croque-mort dans Destination Finale. Il y a également Johnny Depp qui joue dedans, Kevin Dillon, Corey Glover, William Dafoe, Tom Berenger. Qui joue un rôle exceptionnel, Dafoe là-dedans. Oui. Et l'acteur principal, je le laisse vraiment pour tout à l'heure. Alors. On peut dire que le film est complètement barré dans le sens c'est une unité qui se balade au Vietnam et voilà et par contre il commence à avoir une dualité entre les horreurs de la guerre font que il y en a qui commencent à péter complètement les plombs. Bon, je peux donner un peu le pitch et je vais vous mettre la musique du film qu'on a entendu pour un autre film il y a deux semaines. Oui. J'avais passé cette musique. Mais dans la même c'est celle-ci. C'est l'adagio pour cordes où on voit de Samuel Barber. Où on voit Defoe se faire c'est ça. Abattre dans Platon. Dans le titre, il y a deux voyelles. Oui, d'accord. Il y en a même trois des voyelles. Oui, mais, oui enfin, mais deux doublées, quoi. Hein, je veux dire, c'est ça. Une plaque militaire. L'image, oui, il y a deux. Ouais, c'est ça. Donc, ok, c'est bon, je l'ai. Oui. Alors, Adagio, voilà. Adagio passé dans Platoon. Celui-là. Oui. Oui, l'Adagio était passé dans Platoon. C'est ça. Oui, absolument. Donc tu viens de donner le titre. Voilà. Non, absolument pas. Mais non. Bah si. Ah oui, celui-là. Oui. je crois que j'ai laissé un blanc. Et je pensais pas du tout à celui-là, désolé. Quand tu m'as dit non, j'explique, ouais, tout le monde. En plus, le film c'est Platoon, je suis désolé, oui. J'ai pas merdé. Il y a deux secondes, j'ai demandé s'il y avait une voyelle doublée dans le nom. Pourras faire chier Harry donc avec. Et tu vas te marrer, c'est la première fois. Je t'explique, quand je vais te dire le film, tu vas dire d'accord. J'étais complètement sur le même film, et là où il y a une jeune asiatique qui se fait violer par une compagnie régulièrement, et il la garde en otage. Mmh. Vietnam. Ils prennent une fille, ouais. Et il y a dedans celui qui joue dans Retour vers le futur. Le jeune. L'acteur Michael principal. G. Fox. Oui. Mmh. Avec d'accord. Michael G. Fox. Au Vietnam. Oh, aide-moi. Ah, si. Avec une jeune asiatique, c'est passé il y a 3 semaines à ciné-série et tout ça. Et j'étais complètement sur celui-là. Bah, c'est pour ça, excuse-moi quand tu me passes Adagio. Non, mais. Je me disais, c'est Adagio qu'on entend bien quand William Defoe, je me dis, en plus, il me dit le nom, il a joué dans Land Dancy, se fait abattre, je suis désolé, en tombant. C'est ça, j'étais ouais. J'étais complètement sur un autre film. Tu as trouvé la réponse, c'est l'essentiel. Ben, voilà. Mais. Voilà, donc je vais quand même resituer un petit peu le film. Donc ça se passe en septembre 1967. Chris Taylor, donc, qui a 19 ans et qui est joué par Charlie Sheen, rejoint la compagnie Bravo du 25e régiment d'infanterie près de la frontière cambodgienne. Chris, issu d'une famille bourgeoise, s'est engagé volontairement et plein d'idéal entend bien servir son pays. Mais la réalité est tout autre et ses illusions vont tomber les unes après les autres. Il sera également témoin de la rivalité sanglante qui oppose deux officiers qui l'admirent. Parce que oui, il est. Alors, il y a une critique qui a été faite par rapport à ça sur Tom Berenger et Willem Dafoe. Absolument. Tom Berenger qui joue vraiment le rôle du soldat bête et discipliné. Quoi, on lui dit tue quelqu'un, il va tuer quelqu'un. Mm-hmm. Que Willem Dafoe est plus habité un peu par la foi et cherche toujours à épargner les vies, oui, et savoir vraiment si humaniste. Voilà, c'est ça. Mm. Et donc ces deux hommes vont vraiment se combattre dans le film, et Chris Taylor, donc, qui est joué par Charlie Sheen, il y a un peu tiraillé entre ces deux hommes parce qu'il retrouve une figure paternelle un peu dans les deux, mais avec un tempérament différent. Voilà. Il y a une scène entre Defoe et Béranger aussi. Béranger. Quand ils se battent dans un petit bunker là où l'autre sort son arme aussi prêt à le flinguer. Oui. C'est une scène d'anthologie aussi ça. C'est ça, ouais. C'est des très très grands acteurs. Alors donc c'est un film qui a été réalisé par Oliver Stone. Oui. Et donc Oliver Stone pensait réaliser un film sur la guerre du Vietnam depuis plus de 20 ans lorsqu'il fut engagé volontairement dans le bourbier asiatique, ce que c'est tiré un peu de sa propre histoire. Donc son premier scénario a été rédigé en 76, et donc c'est une version brute de ce qui deviendra Platoon, mais son script est refusé partout. Il lui sert quand même à se faire accepter comme scénariste pour l'écriture du succès critique et commercial Midnight Express en 79. Oui. Et donc par ce biais, il devient l'un des scénaristes les plus en vue d'Hollywood. Il accepte même de tourner son troisième film, Salvador, sans être payé, à condition d'avoir le financement, donc, qui était de 6 millions de dollars pour Platoon. 6 millions. Ouais. Seulement 6 millions. Oui, c'est pas. Parce que c'est vraiment pas grand-chose. Mais j'entends, parce que c'est en tournage en lieu naturel, sauf erreur. Ouais, ça a été fait en lieu naturel. T'as des vues quand même, à l'époque, ils n'avaient pas les GoPro et les trucages. C'est vraiment au Vietnam, hein. Alors, le tournage du film faillit être purement annulé du fait du déclenchement d'une révolution contre le leader des Philippines, Ferdinand Marcos, quelques jours avant le début du tournage. Oliver Stone décida de tenter sa chance et tourna juste au sortir de la révolution. Donc ça s'est tourné donc aux Philippines et ils ont eu du bol quand même, ouais, aux Philippines. Et donc, afin de préparer les acteurs à leur rôle, Oliver Stone et son conseiller militaire Dale Dye, donc, qui joue également dans le film, décidèrent de recréer un camp d'entraînement et de leur faire subir 2 semaines d'entraînement à la guerre, wow, telle qu'elle était en 67-68. Donc après s'être fait raser les cheveux, ils ont suivi un programme comprenant des marches à pied, des embuscades, des tours de garde, des attaques nocturnes. Le but était de les imprégner de la vie de vrais soldats au Vietnam et de leur faire perdre leur aspect civils, entre guillemets, pour les faire devenir des soldats auxquels les vétérans pouvaient s'identifier. Mais c'est bien parce que, comment, il faut sauver le soldat Ryan, ils ont fait la même chose. Quand tu vois les films en 1965, 70, qui étaient faits avec les acteurs américains, c'était pas crédible. Ouais, bah oui. Et maintenant, c'est vrai que là, t'as vraiment des acteurs qui sont imprégnés parce qu'ils ont sué, ils ont pas bien bouffé ni dormi depuis 15 jours, 3 semaines. Et après, c'est les mecs, ils jouent leur rôle, ils ont bouffé du sable, ils ont froid, ils ont... Non, c'est bien, c'est bien. C'est une bonne idée. Spielberg, dans Il faut sauver le soldat Ryan, il avait quand même visionné des documents d'époque sur le débarquement. Ouais, tout à fait. C'était une véritable boucherie. Hein, de toute façon. Ah bah, donc, c'est pour ça que les images, oui, sur le début, il faut s'accrocher quand même. Quoi. Mais et c'est donc, très proche de la réalité. Flip4 va peut-être pouvoir nous dire ce que signifie Platoon. Alors, on en avait parlé. Alors, Platoon, en fait, c'est un peloton. Donc, un peloton d'exécution. Mmh. Mais c'est aussi, en gros, le régiment. C'est ce qu'on appelle le régiment, le peloton en fait. Oui, voilà. C'est vrai, en plus, donc c'est deux platoons. Ouais, et à un moment, il y a Willem Dafoe qui dit justement à Tom Berenger, ouais, on n'est pas un peloton, un peloton d'exécution. Ah, ouais. Donc c'est aussi en référence à ça. Oui, c'est vrai. Voilà, tout ce que j'ai pu trouver sur Platoon, hein. Qui est un film magnifique. Alors franchement, il dure quasi 2 heures. Ouais. Et mais la scène donc que j'ai passée. L'extrait audio où on entend une personne se faire fusiller, c'est un moment franchement qui m'a bouleversé parce que c'est ils arrivent dans un village, donc c'est des paysans, hein, des Vietnamiens paysans, et des personnes se font tuer pour rien, juste pour par suspicion en fait. C'est la femme là qui se fait abattre. Ouais, la femme se fait abattre parce qu'en fait le mec est questionné, et la femme en fait hurle derrière sans arrêt. Et l'autre en a marre de l'entendre hurler, lui arrive dessus, lui met une balle en pleine tête. C'est encore pire. Elle en plus, elle est même pas questionnée. Parce que le type en fait est devenu le chef du village suite à l'exécution de l'ancien chef du village, et donc il se fait questionner soi-disant pour savoir. Où sont les Vietcong alors que lui il en sait rien du tout Et donc ça vire un peu au carnage. Je crois que c'est malheureusement le cas dans la plupart des conflits et encore de nos jours. On entend ça. Ça se passe en ce moment à Alep. À l'heure où on est en train d'en parler. En ce moment à Alep, ils en parlent également. Ouais. Donc voilà. Ah mais on s'est laissé des armées de métiers aidées par les Russes écraser des révolutions qui sont par rapport à des dictateurs, et pour autant on n'arrive pas à sauver une ville comme la cité de Palmyre, qui vient d'être reprise par Daesh. Donc faut savoir un petit peu qui est l'ennemi. Parce que pour l'instant, les bombes qui sautent chez nous ne sont pas des révolutionnaires syriens. Voilà. La petite pause sourire. À partir de demain, pour ceux qui veulent voir ce film, il sera disponible sur ma page et sur la page de l'émission 80 à l'heure sur Facebook. Voilà. Alors si quelqu'un a une idée je lance un appel pour m'excuser auprès de Sherlock avec Michael J. Fox, c'est ça, hein, Michael J. Fox. Ouais, c'est peut-être Classe 1984. Non. Ah. C'est pas ça. Avec un peloton américain qui se retrouve au Vietnam séparé de sa compagnie, et donc automatiquement ils sont sous le feu ennemi, mais tombent sur un village. Il y a aussi dans le même esprit des assassinats, tout ça. Ils tombent sur une jeune vietnamienne dont le chef de peloton décide de s'amouracher, c'est-à-dire de la violer. Et ensuite c'est le peloton qui tourne autour d'elle, et il y a Michael J. Fox qui essaye de la protéger tout le long du film pour la faire échapper à la fin. Mais c'est pas un film Perlimpinpin, Alice au pays des merveilles, c'est horrible. Mmh. C'est une horreur ce film, et c'est un très très très très très très beau film. Voilà, parce que même ceux qui le violent ne sont pas forcément des tortionnaires, je me comprends dans le sens du film, parce qu'ils sont tellement pris par l'horreur de la guerre qu'ils en perdent, et puis on les revoit d'une certaine façon civilisés à un moment et se rendent compte de la portée de ce qu'ils font. Et J-Fox est en train de jouer entre le yin et le yang, et puis le côté sombre de la force à chaque fois avec tout le monde, jusqu'à arriver à regarder le film. Outrage, c'est un film de Brian De Palma. Absolument. Ah, bah voilà. Voilà. Ouais. S'il y a un film après Platoon, vous voulez vous faire mal, regardez Outrage. C'était comme dans le même registre, qui était assez. C'est chaud ce film. Qui était assez dur, c'était Apocalypse Now. Oui. Ouais. Je me suis endormi. Outrage, c'est beaucoup plus violent parce que c'est beaucoup plus intimiste. Ça tourne autour de 8 personnes, tout ça, et dans les yeux de la nana, qui évidemment, il y a pas de scène, c'est pas Rocco Siffredi, il y a pas ce genre-là, mais tout est justement, c'est pire, ouais, c'est dissimulé, c'est voilà. C'est comme quand tu mets voilà. Apocalypse Now, moi j'étais allé avec mes parents à l'époque, je devais avoir quoi, peut-être 7-8 ans, j'étais allé le voir au cinéma, je m'étais endormi devant, donc j'étais pas film de guerre à l'époque, et là j'ai regardé Platoon, je me disais c'est un film de guerre, je vais me faire chier, et non, franchement j'ai été pris dans l'histoire, et c'est franchement un très très beau film. Eh ben. Voilà. Et je vous propose maintenant de faire un petit ABC Song. Alors Michael, je vais te demander une lettre et un chiffre. Mais c'est très simple, M comme Mike. Ouais. Et 69 comme Mike. Ok. The best. Alors. Mike, ça veut dire micro en anglais. C'est vrai en plus. Et à l'armée, c'est comme ça qu'on donne le M. Alors, et en plus j'en ai du M. M69. On t'a déjà dit, c'est pas la peine d'aller à 69, tu mets le 6 et tu dis... Ce qui me rassure, c'est que tu l'as pas vu venir, celle-là. Bah oui, bah écoute... Je parie que ça va être hotspot. Non, je sais même pas. Non. En fait, vas-y, donne-moi un titre, on verra bien. Dans les M, qu'est-ce qui te tente? Ou un artiste? Oui, artiste dans les M. Michael Field. Ah oui, les prénoms, ça marche aussi. Ah ouais. Bah ça commence par les prénoms, souvent. D'accord. Là, tu me prends de court. Bon, allez, Michael Jackson, parce que j'ai vraiment que ça en tête, mais... Michael Jackson, bon, tu t'en as une en particulier? Si t'as un Dirty Diana, ça me plairait bien. Oh, ok, ça marche. C'est bon, ça. Dirty Diana. Une des plus belles. Mm-hmm. Et c'est mon avis aussi. Je sais pas qui... Bah Flip 4 parce que t'es la seule personne où je vois juste les yeux et la mèche. Oui, je peux juste enlever. C'est pas donc vas-y, donne-moi une lettre et un chiffre. Allez, ZZ33. Arrête de le réveiller comme ça. Non, je suis réveillé. ZZ33 ou Z33? Z33, parce que t'as ZZ? Oui, j'ai ZZ. Encore heureux qu'on n'est pas en alphabet cyrillique, les mecs, parce que... Et Omega... Allez, bah, give me all your loving. C'est bien. Allez, donc c'est parti avec Dirty Diana de Michael Jackson et ZZ Top avec give me all your loving. Dirty Diana, no. Dirty Diana, she's probably worried tonight. I didn't call on the phone to say that I'm alright. Diana walked up to me, she said I'm on yours tonight. Thank you. Salut les petits clous, vous êtes bien sur RQC et c'est 80 à l'heure. Allez, à plus, ciao. Eh bien oui, vous êtes toujours sur RQC 95 FM, c'est toujours l'émission 80 à l'heure. Alors on vient donc de s'écouter ZZ Top avec Gimme All Your Lovin' et juste avant c'était Michael Jackson avec Dirty Diana. Alors pour la petite anecdote, Michael Jackson avait rencontré Diana, enfin oui. La princesse Diana, oui. Lors d'un de ses concerts, juste avant son concert, en lui disant je suis désolé mais ça n'a rien à voir. Je vais pas mettre Dirty Diana dans le concert par respect pour vous, et elle lui a dit c'est ma chanson préférée. Oui. Donc il s'est quand même permis de la mettre dans le concert alors qu'elle n'était pas prévue à la base. Et elle a adoré, quoi, en sachant très bien que c'était pas pour elle, quoi, à la base. Oui, ouais. Voilà, c'est ça. On se disait en antenne, enfin moi je soulignais, mais c'est que c'est une chanson qu'on la réécoute en fait, où Michael Jackson en fait s'arrache vraiment. Je veux dire, évidemment, il avait du talent phénoménal, pas sur toutes les chansons, quand vous réécoutez bien de manière, pas surtout, ouais, il a fait des trucs commerciaux, et ça, c'était, il s'arrachait vraiment, quoi. Il y a une histoire derrière ça, comme Billie Jean quand il s'est lancé. Ah, il y a une histoire derrière perso, c'est pas possible qu'il ait chanté d'autres titres. Il était en rupture avec le style qu'il avait à ce moment-là, parce qu'il était plus funk, soul et tout ça, et là, il est parti complètement dans du rock avec Dirty Diana, c'est des guitares saturées et tout ça. Oui, c'est vrai, oui, t'as raison, c'est vrai. Et il est parti complètement dans un autre style et ça a cartonné aussi, quoi. C'est la même époque de Beat It. C'est le même album. Non, c'est sur Bad. Bad. Oui, bah donc c'était. Oui, il a vraiment changé de. Enfin, voilà, c'est un grand monsieur quand même. Hein. Ah ouais. Il en a fait des trucs. Hein. Bon, bah là, je suis là, parce que on parle d'un j'ai grand monsieur. J'ai fait mon gaz tout à l'heure. Donc on parle d'un grand monsieur. Maintenant, on va passer aux extrêmes avec Flip 4 qui mesure 1m35 les bras levés. Et encore bon, c'est parce que la mèche, ouais, c'est ça. La mèche rattrape. Non, c'est parce que je suis assis en fait. Ah d'accord. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Merde. Ah bah ouais. Ça va mettre 35 au repos. C'est notre Rocky Siffredo. C'est ça. Ils t'ont bien introduit quand même. Si on peut dire, oui. C'est la du sud. Donc Flip 4, tu vas nous parler d'un groupe aujourd'hui dans ta chronique. Ouais. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, et on vient de passer un titre, ZZ Top. Ok. Alors, il n'y a plus de jingle, non ? Oh, si, bah vas-y. Oh. Yeah. Jingle ! Allez, t'es prêt ? Allez, on y va. Tout bien. Et on se plaît, hein ? Vas-y. Along the passages, yeah. Oh, what a passages, what a passages. On va laisser le morceau jouer, boire une bière pendant ce temps-là. What a passages, yeah. Allez, vas-y. Voilà, il est content. Ouais, toujours. J'aime bien, moi. J'avais dit que j'allais le changer. Moi, j'aime bien, moi. C'est mon copain. Allez. Mon copain. Donc, je vais vous reparler de ZZ Top. Comme le dirait donc Billy Gibbons, le leader du groupe, avec son accent et sa voix rock et caverneuse, Little Old Ben from Texas. Mm-hmm. Alors, ZZ Top, c'est un groupe, semblant de rien, qui n'est pas novice, hein, puisque donc. Avant tout, je précise, groupe américain, originaire de Houston au Texas, et qui a connu le sommet de sa célébrité dès 70, et oui, déjà, et surtout aussi en 80, avec pas mal de titres qu'on va évoquer tout à l'heure. Alors, le groupe est un trio hein, de Billy Gibbons, chant et guitare, Dusty Hill, chant et basse, et Frank Beard à la batterie. Alors, le nom à l'origine, il y a beaucoup de gens qui demandent toujours l'origine du nom. Alors, pourquoi Zizi ? Alors, justement, pourquoi ? Parce qu'il faut le prononcer Zizi Top. Je veux dire, voilà, déjà, pourquoi le prononcer comme parce ça ? Parce que Beat Top, c'est à l'anglaise, et non pas ZZ Top, Zizi Top. Oui. En fait, donc, l'origine légendaire reste relativement obscure, bien qu'il y a une version plus officielle et qui tient beaucoup plus la route que celle que je vais vous évoquer à l'instant. Entre l'emprunt du nom dû au papier à cigarette à rouler, hein, que les gars de Zizi Top utilisaient à l'époque, et le fait que le groupe aurait pris ce nom aussi pour que leur album, tout simplement, dans les bacs des disquaires, soit donc en fin de bac. D'accord. Tout simplement. Puisque en général, bon, c'était classé par ordre alphabétique. On commençait par A et on terminait évidemment par les Z. Donc ça, c'était une autre raison évoquée. Ben, l'explication la plus plausible, et a priori la plus officielle, d'après Billy Gibbons, c'était le choix des initiales ZZ en hommage à B.B. King, hein, les deux lettres B.B. King. Alors, ils avaient choisi à l'origine normalement de s'appeler ZZ King, mais ça ressemblait beaucoup trop à B.B. King. Et donc, en fait, tout simplement, bah, le King étant au top, ils ont décidé d'opter pour ZZ Top. Wow. Et c'est la version qui est la plus plausible aujourd'hui. Voilà. Moi qui ai toujours cru que c'était parce qu'ils étaient fans de ZZ Jean-Mer. Non. Ce qui est marrant, c'est que depuis le temps qu'ils existent, il n'y a jamais eu un journaliste d'investigation, du moins tout ça, qui leur a posé la question au groupe, c'est pourquoi ZZ Top, tu sais, pour si, être sûr. La question était posée. Mais c'est parce que c'est vrai que depuis, il y a eu beaucoup de blogs qui ont alimenté les légendes concernant le papier à rouler, le papier à cigarette, le fait du classement volontairement en prenant les initiales Zizi pour être dans les fonds, dans les derniers bacs. Et Billy Gibbons a plutôt confirmé que c'était bien à l'origine le choix. Tout simplement, regarder une biographie de B.B. King. Ouais. Et donc, mais c'est là, bizarre de vouloir se retrouver au fond des bacs. Ah, lui, tout compris. Ouais. Quoi. Non, mais c'est vrai, t'arrives dans un bac, vous vous souvenez des bacs à vinyle? C'est ce que je disais. Au moins, le premier bac que tu vois, tu voyais au moins, tu sais. Oui, bah, tout à fait. Je crois que ça doit être le premier groupe. Mais tu cherches ou par le début ou par la fin. Tu peux le faire aussi en sens inverse, donc ça peut marcher. C'est vrai aussi. Donc voilà un petit peu l'explication qui semble être, effectivement, je veux bien croire, la plus plausible. Alors, les débuts, ben, comme je le disais, à l'époque, en 70, Billy, Dusty et Frank avaient 21 ans en 70, quand ils ont monté leur trio. Et ils sortent leur premier album qui s'appelait tout simplement et tout sobrement ZZ Top's First Album. Et donc, au niveau du son, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est franchement blues. 69 ans, ils ont. 66. D'accord. Ils sont de 49. Oui. Hein, le leader va avoir 67 ans, là, ici, en décembre. Donc en fait, la connotation du premier album est franchement blues. Et donc à cette époque, bon, évidemment, il n'est pas le look qu'on leur connaît aujourd'hui, avec les grandes barbes démesurées, ce qui va les rendre célèbres. Et ils arboraient déjà un style texan, puisque avec les Stetson et les Tiag. Alors il faudra donc effectivement attendre, puisque j'ai dit que le groupe a connu quand même un premier succès dans les années 70, il faudra attendre 74 avec ce titre-là que tout le monde connaît, La Grange, 74. Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le titre qui a contribué à leur notoriété déjà au milieu des années 70. Alors donc évidemment au niveau du style, Gibbons, hein, le leader, hein, Billy, ne s'est jamais caché d'être avant tout un bluesman. D'ailleurs, ça a été confirmé puisque l'année dernière, il a sorti un album solo, hein, sous le nom de Billy F. Gibbons, avec toutes les influences qu'on pouvait retrouver dans les premiers albums et ses influences. Et franchement, ça vaut le détour et ça s'appelle Perfectamundo, avec beaucoup de sonorités franchement latino. Ça vaut le détour. Ça, c'est surprenant d'ailleurs. C'est là qu'on voit qu'on a quand même affaire à des musicos. Alors donc, même si on retrouve dans la musique du groupe des influences rock évidentes, avec notamment plusieurs reprises d'Elvis Presley, ils ont fait des reprises comme Jailhouse Rock et Viva Las Vegas, qui étaient très festifs. Hein. Alors, il y a eu un album aussi qui s'appelait en 79 Deruelo, où on les découvre avec un nouveau look. Hein. Il y avait quand même pratiquement 5 ans qui se sont écoulés entre le premier album et celui-ci. Et là, on les découvre effectivement avec le look qui les a caractérisés, avec les longues barbes. Alors, comme certains les auront baptisés comme étant une version prospecteur. Allez chercher le sens qu'ils ont voulu donner ça, enfin, peu importe. Et l'avènement du clip, eh ben, évidemment, à l'époque, il les rendra mondialement célèbres au début des années 80. Alors, Gibbons, donc le leader et Hill, apparaissent désormais toujours affublés de lunettes de soleil. Et c'est vrai que vous pouvez regarder toutes les photos, tous les concerts, il n'y en a pas un sans lunettes. Hein. D'un chapeau de cow-boy, hein, le Stetson, et d'une barbe démesurée qui leur arrive à la ceinture. Alors, curieusement, vous allez me demander... Et vous regarderez bien, il n'y en a qu'un dans les trois qui n'a pas de barbe, c'est le batteur, Frank Beard. Bah, tout simplement parce que son nom, Beard en anglais, ça va dire barbe. Donc si tu avais Walker, Texas Ranger, Gilbert Montagnier, Ben Laden qui faisait un enfant, t'as ZZ Top. C'est à peu près voilà. Ça. Alors, petite anecdote, c'est qu'en 84, ils ont été abordés par la firme de rasoir, la très, très célèbre firme Gillette, qui avait proposé à eux, aux deux 1 million de dollars s'ils se rasaient la barbe en direct pour un spot publicitaire pour Gillette. Évidemment, je ne vous cache pas qu'ils ont Ils n'ont pas eu besoin d'un VHS, c'était non catégorique. Oh putain, moi je m'achetais un postiche, je me le rasais en direct et le lendemain je refaisais mon concert. Le leurs babes sont assurées, sans déconner, c'est. Ah oui, j'imagine. Ah oui, ouais, c'est leur marque. Oui, parce que ça crame facilement. Et non, c'est vrai. Hein, mais non, mais c'est vrai, si. Une mauvaise clope mal roulée, pouf, ça y est. C'est pas faux. Faut de paille. On a plus. Le mec de bar, c'est une vieille clope mal roulée qui te fout le feu à ta barbe. Il faut sortir avec des épinets. Écoute. Et cela dit, tout ce qui est barbe, ouais. C'est très en vogue actuellement. Alors, 83, évidemment, on y arrive. Va sortir le fameux album Eliminator qui va rencontrer un succès planétaire et phénoménal. L'album se vendra à l'époque à plus de 10 millions d'exemplaires, rien qu'aux States. Waouh! Ouais, c'est quand même pas mal. Alors, on y retrouve évidemment quelques-uns des titres les plus célèbres du groupe, avec notamment celui-ci, qu'on avait passé tout à l'heure, Gimme All Your Loving. Alors là, on est en 83, c'est un titre que tu avais déjà passé lors de la coupure, hein, en 83. Du même album, on avait un autre titre. Quand on regarde les clips, on a tout compris, un titre qui en disait long. Effectivement, parce qu'on voyait une jolie paire de jambes qui s'appelait Legs. Il faut expliquer que hors antenne, il y a Canon qui trouve des titres différents à chaque fois. Sur Gimme All Your Lovin', c'était le sample de Gotenner. Là, il vient de trouver Supercopter sur Legs. Ah, parce que non, non, mais c'est les. Ouais, parce que façon, t'as une rythmique voilà. qui ah, est ouais, rappelle, Jean-Jacques, niveau l'intro. Jean-Jacques, le talentueux Jean-Jacques Goldman qui n'a rien inventé, qui, et oui, bah oui. qui a réussi lui à prendre toutes les ritournelles des autres et en faire des titres. On avait également un autre titre, ça aussi, ça va vous parler, Sharp Dressed Man. Vas-y, trouve-nous un titre. Ça, par contre, faudrait pas le faire hors antenne. Faudrait que tu le repasses avec des chants aussi. Parce que c'est collector. Ok, vas-y, je le refais. Ouais, pas de problème. Attends. Pas de dans ta chronique. Puis, ah, voilà. Vas-y. Sherlock trouve aussi. Attention. Voilà. Écoutez bien. Voilà. Je vais faire un mashup. Dans l'espace infini. Tu rejaillis à nouveau, le plus puissant des robots. Toi, Goldorak, contre tous les assauts. D'accord, bon, on va garder des auditeurs, donc on va regarder un truc de plus quatre. Bravo. Mais c'est, non, mais on rigole souvent dans cette émission, mais il y a plein de choses qui sont comme ça. C'est, bah oui, de toute façon, la musique s'écrit avec les idées des autres. Alors, donc, ça, c'était trois titres issus de l'album Eliminator. Il faudra attendre 2 ans pour le suivant, qui sera également un succès commercial. Alors là, ça commence à être un petit peu le dérapage, puisqu'on l'avait déjà noté, c'était la présence. Ils ont fait une petite incursion avec les claviers. Et j'ai que pour les albums suivants, c'est pas ce qui a été une réussite pour eux. Ils s'en sont heureusement aperçus très vite. Alors, donc, dans cet album, l'album Afterburner, hein, il y avait entre autres des titres comme le fameux Sleeping Bag. We'll be right back. petit aparté, c'est vrai qu'on était en train de rigoler sur d'autres titres et tout ça, mais j'ai eu moi un choc avec ZZ Top, c'était il y a 2 ans, quand la HD, avec le son aussi HD, on se rend pas compte, ils étaient en train de faire un concert devant, je sais pas, plus de 15 000 personnes, ils sont quand même que 3. Oui, tout à fait. Et t'as le batteur, t'as le mec, alors une fois, évidemment, ils ont des guitares équipées avec des effets pas possibles, mais enfin, tout ce qu'on entend au niveau, vous envoyez ça dans des enceintes, vous avez l'impression d'avoir 12 guitaristes, 12 machins, les mecs, ils sont que 2. Il y a le mec qui tient la basse, mais en même temps, il fait des lignes de rythmique avec la basse, le mec, il arrive à prendre des arpèges tout en tenant la mélodie, et derrière, avec le batteur, il y a qu'un batteur, hein, ça tient. Vous avez l'impression d'être sur des synthés, des expandeurs, truc. Et non, les mecs, ils jouent ça en live, quoi. Je confirme, ils tiennent vraiment. Ouais, ils sont très, très, très, très bons. Et des showmen, franchement, ils sont loin d'être statiques. Ouais. Et c'était pour tout dire, voilà, un mec, il y a un ingénieur du son qui avait des enceintes cabas ou triangle, je sais plus quoi, ça, des grosses, contre, et il avait mis ça sur une grande scène et nous avait fait écouter le concert. Et il dit, les mecs, ils sont que 3, quoi. Ah ouais, quand même. Mais alors là, par contre, la musique me fait penser à une autre chanson. Qui était de Oingo Boingo. Ah, Oingo Boingo. C'était la musique du film Une créature de rêve, qui a été repris après en série dans Code Lisa. Ouais, c'est un groupe. Ouais, mais j'ai plus la musique en tête, donc. Ouais, là, il faudrait que je la retrouve. Bah, c'est un peu prochaine compliqué. Chronique, quand je serai pas là, je vous écouterai. Je veux entendre ça, et là, je laisse. Mais j'avais déjà passé la musique. J'avais parlé du film. Mais j'écoute pas tes chroniques. Ah, ok, d'accord. Alors évidemment, seulement. toujours issu de cet album, il y a même un titre, et s'il fallait encore une fois démontrer que pour moi les plus grandes ballades, les plus grands slow qu'il y a eu dans les années 80, ce sont bien des groupes de blues rock, de rock, de metal qui ont pu les sortir, bah, celui-ci, je pense qu'à mon avis c'est un bel exemple avec Roof Boy. Écoutez, depuis tout à l'heure, je me dis, mais oui, c'est ça, je l'ai trouvé. Alors voilà, donc c'était quoi, vas-y. Je te survivrai. D'accord. Mais plus ralenti, mais tu l'accélères, c'est je te survivrai. Je te survivrai. Mais c'est un beau slow. Oui, oui. Roof Boy, 85. Alors évidemment, le groupe a toujours véhiculé, on en parlait tout à l'heure, je pense même hors antenne, hein, un certain goût pour le second degré, avec un humour typiquement cowboy texan dans le choix des titres des chansons. Certes. Célébrons et rendent hommage fréquemment aux plaisirs les plus simples, à la bagarre. Avec des titres comme Beer Drinkers and Hellraisers, de l'alcool évidemment, hein. Mais il y avait aussi des titres comme Arrested for Driving While Blind, Whiskey and Mama, et aussi surtout ben, comme le morceau qu'on vient d'entendre, ou le titre comme Legs, entre autres, rendait hommage très souvent aux femmes, avec Fool for Your Stockings. Je voulais parler bagarre, truc, on s'attend à sexe et aux femmes. Ben, ouais. C'est toujours classe. Alors avec d'autres titres comme Legs qu'on a passé tout à l'heure, Francine. Hein, c'est le prénom, Bad Girl. Et il y avait aussi ce titre. Alors là, on revient à 83, Got Me Under Pressure. Ça parle de prostituée, de bordel, effectivement. Non, jamais, j'ai vu la lumière rouge, c'est pour ça. C'était la lumière rouge qui m'attirait. Justement, Bah, on va enchaîner justement, puisque tout à l'heure Mike en faisait référence, puisque je le disais, faisait donc rendait hommage aux femmes d'une certaine manière, et également aux prostituées des bordels, puisqu'on parlait tout à l'heure de La Grange, qui fait référence à, effectivement à un bordel. Alors il y avait d'autres titres aussi, comme Mexican Blackbird, et si pour les gens qui peuvent comprendre les paroles quand on les écoute, effectivement. Mexican Blackbird, ouais. Voilà. Alors, ben, ce qu'il faut avoir dans les petites anecdotes, hein, pour terminer, ils ont fait quelques apparitions cinématographiques, dont la plus célèbre dans Retour vers le futur 3. C'est important comme scoop, oui, entre exact. Opération et apparition. Ils ont fait quelques opérations. Pour ma connaissance, le bassiste, si, il a loupé la marche en descendant du bus. Il a failli se déboîter la hanche. Et évidemment, plus récemment, dans la série Bones, où ouais, le chanteur, Bones, justement... Oui. Oui, Billy Gibbons donc apparaît dans plusieurs épisodes de la série, hein, où il interprète son propre rôle et où il est censé être le père d'Angela Montenegro. C'est ça. Et là, il y a aussi dans un épisode de la série TV Les Experts à Miami, hein, donc où il joue son propre rôle également. Ah. Alors ben, vous me direz qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, tournent toujours, hein, puisque je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc c'était un scoop, mais les gens se sont demandé si c'était pas de l'intox. Hein, en fait, oui, ils se produisent bien le 16 juillet à Petite Forêt, c'est sold out pour celui-là. Il est prévu également deux autres dates, le 6 et 7 juillet. Je l'ai mis d'ailleurs sur la page, hein, les arènes de Valenciennes et à Paris également. Ce sera probablement au Zénith. Alors, le groupe tourne toujours avec depuis un total de 15 albums. Et le dernier en date du groupe, hein, j'ai bien le dernier album en date, ça s'appelle La Futura. Aujourd'hui, c'est 50 millions d'albums vendus dans le monde depuis 1969. Il faut savoir que, m'aurait-on dit, en 2018, il serait au Festival des Vieilles Charrues. Ah, c'est, oui, c'est une rumeur. C'est, voilà, mais à mon avis, qui est bien fondée. C'est tout à fait le style. Absolument. Il serait bien descendre là-bas, ça va être un carnage. On serait en droit d'espérer ici la promotion d'un nouvel album, puisque j'avais fait mention tout à l'heure d'un titre, si vous voulez, je l'ai mis en bonus, pour vous donner une petite idée de ce que fait aujourd'hui, à 66 ans, le... Et ça s'appelle... Très bien. Ouais, Twitter Write, si tu veux bien le mettre, un petit extrait. Ça, c'est un extrait de l'album de solo du chanteur, leader, hein, c'est bon, Billy Gibbons. Et c'est, franchement, pour les gens qui ne connaissent pas ZZ Top, c'est assez étonnant. On retrouve beaucoup de leurs influences, hein, depuis le début. Et l'album est très varié, c'est assez étonnant. Des sonorités, le choix des instruments. Ouais, ce qui est marrant, c'est qu'il met un piano, ce qu'on appelle en diatonique, c'est un clang clang clang clang clang clang clang clang clang tout le long. Et en fait, c'est ce qui fait toute la tonalité un peu latine, alors que le reste, c'est rock. Hein. Tu retires ça, il y a un côté rock. Hein. Et voilà. C'est bien, c'est propre. Hein. Et il tourne toujours. Ouais, c'est cool. Ah, c'est un vinyle ? À 66 ans. ils vont lancer également des vinyles, ouais. Voilà. On l'a mis en 1980. Ils étaient connus aussi pour leur guitare qu'ils faisaient tourner sur eux-mêmes. Voilà, hein. Notamment dans Retour vers le futur 3. Ouais. Oui. Ah oui, c'est vrai, oui, exact. Ils sont passés à Nantes. Bah, c'est voilà. Bien, merci beaucoup pour ta chronique, Flip Cat. Hein. Mm-hmm. Oui, bon, et puis ZZ Top, c'est quand même un groupe. C'est the top. Voilà, c'est the top. C'est the top. Alors, moi, je vous propose de faire une petite pause musicale, de retrouver après Onissa qui va nous parler d'une super recette en fait. Non, c'est pas un gâteau. Le gâteau ouais. C'est oui. Le framboisier pour vos recettes. Je prends quelques notes d'ailleurs, parce que j'aimerais bien en faire un. On va parler, rappelez-vous tous, les loulous et les louloutes, c'est le Club Dorothée. Donc, on va parler de framboisier qui était un personnage truculent. Oui, c'est vrai que moi j'ai appris plein de trucs. Si, si, il truculait beaucoup. Et si, si, je l'ai bien connu à l'époque. C'était un truculant. Donc, qu'est-ce que tu vas nous mettre eh ben justement, on parlait des slows des groupes de rock. Oui. Donc, je vais vous passer Scorpions avec Still Loving You. Oh, ce soir, j'ai les pieds qui puent. Oui, c'est ça. Ce soir, j'ai les pieds qui puent. Et Aerosmith avec alors une reprise qu'ils avaient faite, c'était Cry Me a River. Oh. Ah bon? Eh ouais. Tiens donc. Alors, reprise d'Aerosmith de Cry Me a River. Ouais. Ah là tu me scoopes. Ah bah voilà. Bah tu vois, moi j'ai l'album chez moi. Je vais même faire un gaz. Vas-y, mets-nous. Allez, c'est parti. Porn en espace confiné comme ça, c'est pas bon. Hein. I will. I need your love, still I need you. Et voilà, donc ça c'était Cry Me a River par Aerosmith. Et ouais. Maintenant j'attendais la fin de la chanson. Oui, ouais. C'est vrai. C'était note, donc Cry Me a River par Aerosmith, donc tu ne connaissais pas. Enfin, non, tu connaissais non, la chanson, c'est mais très pas, beau, c'est très beau. Pas les, c'est, non, pas non, par Aerosmith, mais il faut savoir que ça a été repris par une foultitude d'artistes. Oui, tu veux dire. Alors j'essaye de vous en donner pêle-mêle. Donc Aerosmith, Joan Baez, Shirley Bassey, Jeff Beck, George Benson, Bjork, Susan Boyle, ouais, Michael Bublé, Ray Charles, ouais. Joe Cocker, mm-hmm. Natalie Cole, Harry Connick Jr., Sam Cooke, qui a également Marie Plateau, oui, Victor Laszlo en français, oui, Peggy Lee, dans son album. J'ai vu également tout à l'heure Alison Moyette, Alison Moyette. C'est juste. Alors Alison Moyette. Oui, ouais, bah, ouais. Je vais vous regarder. Elle était dans un groupe années 80. Alors, non, parce que tu balances des noms, je connais tout, mais Alison ouais, Moyette, c'est attends, qui le pire, c'est que même Doyle, je pareil, la connais le nom. Pareil, le nom me dit. Le voilà, nom, mais c'est un groupe des années 80. Incapable de dire le nom du groupe. Erasure. Ouais, voilà. Oh l'amour. Oh, oui. C'est bien. Yazoo aussi. Alison oui. Moyette. Voilà, c'est surtout la voix dans. Ah bon, c'était Yazoo. La partenaire de. De mais enfin voilà, donc il y a vraiment beaucoup de monde qui ont repris cette chanson quoi. Parce que là j'ai pas tout dit, il y a au moins 5 colonnes et il y a aussi en France, il y a Christophe qui l'a repris et Eddie Mitchell. Alors Christophe lui c'était Noir est ta couleur. Victor Laszlo c'était Pleurer des rivières et qui a été également repris par Eddie Mitchell sous le nom Pleurer des rivières. Ah ouais. Voilà, je suis sur le cul. Mais en même temps, Dick Rivers, c'est normal qu'il y ait autant d'artistes. Ah oui, quand ouais, même, parce que bon, c'est devenu un standard. Il y a Ella Fitzgerald également qui l'a repris. Après, il faudrait regarder parfois même des chansons. Là, on entend Pokora avec cette année-là et tout ça, mais c'était repris aussi par des artistes. Quand tu regardes cette année-là, il n'y a pas que Pokora qui l'a lancé. Enfin voilà, c'était cette année-là. Quoi. Voilà. Donc voilà. Onissa, oui. Tu devais nous parler d'une recette oui, de gâteau pour Noël. Oui. Non, c'est Sherlock et Harry, la semaine passée, qui ont demandé de faire une petite chronique sur framboisier, que je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais le nom, mais franchement, j'ai découvert plein de choses. C'est lui qui avait fondé le groupe des musclés. Mais alors, allez, je savais que dans le groupe Dorothée, ben, tu connais framboisier, tu connais les noms, mais... Alors, tu peux nous citer les musclés. Ah non, j'ai pas. Je ne pas, je te l'ai dit que j'ai pas eu beaucoup de temps. Il y a le gros musclé, il y a le alors, petit musclé, il y a framboisier. Il y a framboisier qui était considéré un peu comme le leader du groupe. Oui, voilà, c'est ça, oui. Il y avait Bernard Minet, qui est le plus connu. Il y avait donc le mari d'Ariane. Oui, Rémi Sarrazin. C'était Rémi, voilà. Il y avait ensuite celui qui était à l'accordéon, c'était René. Oui, René Morisure. Papy René, qu'on appelait. J'ai deux pointures à côté de moi, je me sens largué. Et il y avait Eric, donc lui, qui faisait toujours les gars. C'était le moustachu. On dit ça, si à un moment, t'as l'impression qu'il y a deux mecs en train de te niquer ta chronique, il leur dit clairement à la toile, si, si, si. Regarde, les mecs, ils sont partis dans leur truc. Non, non, c'est au contraire. Bon, ta recette, combien d'œufs ? Minute. Est-ce qu'il faut du lait dans le framboisier ? Bah oui. Bon. Bon, en faisant les petites recherches, parce que j'ai pas eu beaucoup de temps, je savais que j'allais apprendre plein de choses parce que j'avais, je savais pas que Mike serait là, je comptais plus sur Harry et Sherlock. Et je remplacerai Harry exceptionnellement. Oui, voilà. c'est excellent parce que. Mais c'était des musiciens qui étaient tous respectés dans le métier. Eric, par exemple, le guitariste. Avant d'aller au Club Dorothée. nous le précisons, avant d'être au Club Dorothée, Eric avait entre autres été l'arrangeur sur un album de Michel Sardou quelques années avant. Celle où on, entre autres, où il y a Je viens du Sud et Les Lacs du Connemara. Ah, excellent, oui. Tu vois, c'est. Sardou, Je viens du Sud. Oui. Bah oui. Je viens du Sud. Oui, c'est pas chez Mme Badi. Je viens du Sud. Je viens du Sud. Ah, c'est là. J'y reviens. Mais il y en a. Et Je viens du Sud, c'est Ferré. Ah oui, non. Ah oui, c'est oui. Pas le ah sud. Oui, on dirait le Sud. Le Ferré. Le Sud. Non, Ferré. Sud. Non, ah, on dirait le Sud. Oui, c'est autre chose, effectivement. Ça, je connais mieux que le cinéma. Mais vas-y, je t'en prie. Vas-y. Non, mais nous connaissons. Moi, je suis plus intéressé par ce que je vais apprendre que ce que je vais raconter. Puisque... Ouais, mais attends, et vu que tu payes, et t'as perdu un décès, tu vas faire ta chronique de merde. Là. Mais tu vas te taire, 5 minutes. Non, mais c'est. Parle-nous de framboisier, fais-nous rêver. On te laisse au moins 30 secondes sans t'interrompre. Mais non, mais en fait, Alors, bon, déjà, Charlotte, il sait que je suis nulle en... Mais comment elle se dévalorise? Mais c'est non, ça, c'est non. Dingue. Mais non, je me dévalorise pas. C'est vrai que, bon, je suis pas calée pour faire des recherches. On en parle assez avec Sherlock. Mais c'est vrai que ah j'ai... Bon le peu que j'ai trouvé... On parle que de ça. T'as fait des recherches avec Sherlock? Ouais. T'as rien trouvé, je parie. J'ai pas remplacé lui, tu comprends pas. T'as rien trouvé? Allez, vas-y. Non, mais j'ai quand même appris que le gars, bah, il avait... parce que Framboisier, bon, moi, j'adorais le Club Dorothée quand j'étais jeune. Et... Mais tu cernes pas le personnage. Mmh. Tu dis, bah ouais, il fait partie des Musclés. Mais je savais pas que c'était lui, quand même, qui avait créé le groupe des Musclés, qui était producteur, enfin, qui a fait plein de choses et qui a pas eu de chance après, bien sûr, malheureusement. Il était barbu comme Corbier, non? Non. C'est pas lui. Non, ouais, donc c'est le... ouais, je vois qui, ouais, d'accord. Ouais. Il y avait... Mais c'est vrai que moi je savais pas nous on les connaît plus comme ça parce que vous vous dites oui ils étaient connus avant et mais moi de ma génération le ils étaient pas connus avant mais ils étaient respectés dans le métier, voilà, ils avaient une notoriété dans le milieu de la musique mais ils n'étaient pas connus du public par contre. Oui, voilà, c'est ça. Moi je les nous on les enfin moi j'étais avec mes souvenirs de d'enfance, je les connais que comme ça. Moi c'est quand j'ai fait un peu de recherche, je me suis dit mince quand même le gars il bah quand tu les vois en train de faire les fanfarons et tu te... bah, non mais c'est vrai, c'est clair. Et c'est un métier aussi quoi, mais tu te dis non non derrière ils sont producteurs, enfin il a lancé plein de choses, des mais séries. Ils étaient pas acteurs à la base d'ailleurs, ça se ça voit, ça s'est un peu vu, ça, ouais, ça se voit un peu, ouais, oui ça... Mais ça faisait partie, allez je trouvais que c'était allez, ouais, ça faisait partie de leur Mike il s'éclate avec sa cuillère. Excusez-moi, je jouais avec une cuillère dans ma tasse de café, il faut que j'arrête. Et il partageait avec tout le monde, voilà c'est ça. Mais non non moi j'ai trouvé que c'était génial parce que en fait c'est mais ça fait partie du groupe Dorothée. En fait, le groupe Dorothée, c'était... t'as l'impression que c'est un groupe qui se sont lancés dans l'aventure sans... Mais je savais pas qu'ils étaient connus dans le milieu et respectés dans le milieu de la musique avant, quoi. Ouais. Mais tu disais à un moment faire fanfaron, mais c'est vraiment un métier. Oui, oui, monde, on rigole, on prenait tout à l'heure les formants rigolants, les vagabonds, les machins. Il y a eu d'autres groupes aussi, les chefs, un petit verre, on a soif. Ouais, eux ouais, aussi, 64, avec, hein, avec plus ou moins de succès. Mais je veux dire, c'est tout un art de passer sur scène devant. Et maintenant, nous allons faire le groupe. Et toi, tu te pointes, t'es à 3 sur une grande scène pour ceux qui en ont fait un peu devant ouais, 600 personnes. Ouais. Et toi, t'es en train de faire le con avec une chanson de 10 ans, c'est la plus grosse chanson de merde. Vous imaginez le mec qui a fait la danse des canards. C'est beau la vidéo. Mais ça, ouais, quand il devait chanter la danse des canards avec les trois proutes qui se faisaient coin devant tout le monde, c'était tout un art. Donc ouais, voilà. Mais non vois, mais c'est vrai. C'est vrai. Faut mais jamais en fait, se moquer de ces gens-là. Ça fait partie du. Enfin pour moi le Club Dorothée. Enfin moi ça fait partie de mes souvenirs. Mm-hmm. Bah, ça fait partie de l'ambiance et mais tu penses pas que derrière c'est quand même des. Allez que le gars il est quand même producteur, il s'est investi, il a lancé. Oui mais moi j'ai découvert plein de choses quoi. Je veux dire c'est pas. T'apprends quand même. Mais tu vas continuer à découvrir plein de trucs. Il est pas sérieux, lui, je te jure. Si, là, si. Si, justement, c'est ça le problème. Si. Là, je suis très sérieux. Non, mais c'est vrai. Après, bon, c'est moche. C'est que, bon, à partir de. Allez, quand l'émission Les Musclés, ça s'est arrêté, ben, ils ont fait Salut les Musclés, la série. Mm-hmm. Et... Mais après, plus rien, quoi. Donc, ils ont fait d'autres choses, mais on n'entend pas parler. Non, clairement, non, non. C'est vrai non, que, c'est vrai. À part cette période-là, une fois que le Club Dorothée est fini. Oui, ouais, après, oui, c'est le club qui a suspendu aussi ces groupes-là. Je pense aussi à tous les artistes qui se sont lancés avec, comment ça s'appelait, Bouvard, son théâtre et tout ça. Et puis après, il y a ceux qui ont réussi à avoir un vrai talent et ceux qui se sont éclatés, quoi. Donc eux, ils sont nés quand même de ce groupe-là. Dorothée les a quand même portés. Et puis, c'est la production, c'était Antenne 2 à l'époque. Non, ils sont arrivés à la période TF1 justement. Ouais, c'était TF1. J'ai un doute, c'était TF1 là, c'était TF1. Donc voilà, mais c'était. Mais ouais, tu parlais de Framboisier qui était producteur. Il y a quand même produit un groupe qui a fait un sacré succès. C'est Matmata. Ouais, Matmata. Il y a un groupe sénégalais aussi. Ouais, là je le savais pas, tu vois. Si, si. Et il s'appelle comment ce groupe? Matmata. Matmata. L'écho des bananes. Non, mais c'est vrai qu'ils ils ont juste parlé. J'ai pas poussé les recherches plus loin parce que bon, par manque de temps. Mais si. T'as que ça à faire. Ouais, c'est ça. Je suis une femme, pas un homme. Hein. Bah, c'est bien ce que je dis, t'as que ça à faire. Et Matmata, pour ceux qui connaissent pas. Oui, moi je voulais. C'est ça. Oui, voilà. Alors, si la musique se veut bien. Oh là là, il nous a mis son portable sur son. Oh, c'est beau ça. Ah ouais, quand même. Oui, bien sûr. Mais... Ah, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Ouais. Alors, à savoir que j'étais en Bretagne. Et Lambé, c'est là où j'habitais. Ouais. Et ils étaient dans un bar, le Kenox. et les mecs je les connaissais et je buvais un verre pendant qu'ils étaient en train de répéter leurs premiers accords. Salut. Comme quoi, voilà. C'est rigolo. Ouais, le monde aussi. Et ils avaient pas leur nom de groupe à l'époque. Et ils se sont promis avec aussi l'autre groupe breton qui a percé aussi, là, qui avait fait un truc sur c'était un guerrier, machin, je sais pas. La Mano, ils étaient dans le même bar, etc. Et ils allaient au Renard Punch à Quimper et moi je sortais sans arrêt en train de faire la fête. Comme régulièrement, de manière très très ludique pour connaître des artistes. Et on en a rencontré super comme ça. Et le patron était un mec hyper hyper adorable, etc. Que je salue au passage d'ailleurs s'il m'écoute. On ira lui faire coucou un jour peut-être. Ah oui. Je serais plutôt caca, moi. Mais... Pourquoi il s'appelait Paul? Joli. Alors, continue sur ta recette. En fait, ils ont produit ce fameux groupe, là, Mat-Mata. Et après, ils ont essayé de revenir avec les musclés quand Dorothée est remontée sur scène en 2010. Mais bon, ça n'a pas eu d'impact et... Non, après ils ont fait pas mal de titres, on va dire, un peu potaches. Oui. C'était la fête au village, la merguez partie. Voilà. La fête au village, c'est vrai. Ça a marché quand même, la fête. Mais c'était vraiment lancé comme un gag. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils avaient choisi framboisier au champ. La petite révélateur, dites donc. J'en ai marre, ce mec. Mais vous trouvez pas qu'au plus on avance dans l'émission, on a des invités à chier? Et oui. Il est temps que c'est vivement le 1er janvier. Par contre, moi, je suis contente parce que j'apprends plein de choses. Ils avaient choisi framboisier tout simplement parce que c'était celui des 5 qui chantait le moins bien. Donc ils voulaient vraiment pousser le gag jusqu'au bout. Ah ouais, donc, dis donc. Et il y a une chanson qu'ils regrettent encore d'avoir sortie. Et cette chanson s'appelle Mathilde Amé. Ah oui. Je l'ai pas là. Hein. Très longtemps. Ouais. Et ils s'en veulent aussi parce qu'ils se sont dit par la suite que la chanson était pas top. Mais en gros, ça faisait Mathilde Amé, viens faire un tour à la maison. Je sais plus. Enfin, il parlait de saucisson aussi. Voilà. Il y avait Amène seulement tes potirons dans mes mémoires. C'est ça, ouais. Oui, dans la finesse. On est dans la recette. Amène seulement tes potirons, on ramène le saucisson ou un truc comme ça. D'accord. Et là, on va passer à la soupe aux potirons. Oui, on est C'est bon, j'ai super recette. Ils s'en sont voulus et ils ne veulent plus la jouer. Enfin bon, de toute façon. Il reste 3 sur 5. Ouais, Oui, puis Mathilde Amé, maintenant il y a prescription. Ouais, oui, c'est sûr. Mais ils avaient fait aussi Antoine Déconne comme chanson Antoine Déconne. Ouais. Mais voilà, enfin ils étaient vraiment dans le second degré, voire le 21e degré, quoi. Après, c'est l'époque où les inconnus cartonnaient et où ils ne cartonneraient pas forcément maintenant. Oui. Non, dans ce genre d'humour. C'est ça. Voilà. C'est vrai que c'était toute une époque particulière. La quand nôtre. On voit les restes maintenant. Moment, ouais. C'est juste que... C'était bien sympa. La défendre, par contre, par rapport à la semaine passée, à son anecdote sur l'accident d'avion qu'ils ont évité, parce que vous êtes tous foutus de sa gueule. C'est vrai. Hein. Alors, on a dû voir la même émission, oui. Mais effectivement, ils expliquaient en fait c'était le producteur Jean-Luc Azoulay qui était fumeur. Voilà. Dorothée, elle avait déjà arrêté à l'époque. De fumer. Ah oui, parce qu'elle apparemment au début, elle a... voilà. C'est... Non, mais ça c'était au tout début. Non, mais oui, effectivement, ils ont échappé à un accident d'avion. C'est le fameux accident. Officiellement, l'avion a explosé en plein vol pour une raison inconnue. Plus officieusement, c'était l'armée américaine qui faisait des essais et qui s'est un peu loupé. À force, elle abonde aussi l'armée américaine parce qu'elle abat tous les avions. C'est ça. Et c'est l'accident dans lequel ont péri, entre autres, le célèbre guitariste jazz Marcel Dadi. Tout à fait. Et le joueur de hockey originaire du nord de la France, Michel Breistroff. Et c'était en 81, non ? 96. 96 ? 96. Marcel Dadi ? Ouais. Oui, il revenait de leur tour. Oui, tout à fait, oui. Marcel Dadi jouait avec Chet Atkins, un autre grand guitariste. Ouais. Mais ça fait du bien de revoir l'émission. Hein, mais voilà, on n'apprend pas une chose. Vrai, hein. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup pour ta chronique sur framboisier. Donc, la semaine prochaine, recette du caco banane. Non, elle parlera dessin animé la semaine prochaine, Charlotte. Ah non, mais c'est vrai. On y sait avec dessin animé, ça va être quelque chose. J'adore. Merci beaucoup. Non, mais franchement, j'ai appris plein de choses et je vais continuer à faire sur les clubs de Dorothée parce que, quand même, moi, j'aime bien. C'est années 80, il n'y a pas de souci. Alors, semaine prochaine. Ben, on verra le temps que j'ai parce que, excuse-moi, je travaille. Ouf, là, il y a Non, il faut des petits. Non, j'ai. Christophe Izard. Mais tais-toi, 5 minutes. Bah, Christophe Izard, il y a Corbière. Non, il faut que je fasse une chronique qui. Allez. C'est pas le club Dorothée. Mais... Que je peux non, pas développer. L'île aux enfants, non? L'île aux enfants, il y a dans les nuages. La recette du Globi Boulga. Oui. Pour Noël. pour Noël. La recette. Ah, après ouais. Le framboisier, la recette du Globi Vulga. Mais non, je ne peux pas m'engager si j'ai pas beaucoup de et temps. Si j'ai le temps, je une commenter, commenter ça. et comment, regarde, tu l'as déjà entendu. Fais-nous un peu l'ingrédient. Allez. Bonjour Onisin, comment tu vas? T'es prié de pas faire sur la chaise. Donc recommence. Alors la semaine prochaine, tu vas nous parler de la recette du Globi Vulga. Wow. Et tu feras ça sur les genoux de Sherlock. Ah oui. Mais n'empêche que la semaine prochaine je vais venir. N'empêche que l'île aux enfants t'apprenais plein de choses, l'orthographe et si moi j'ai appris à écrire oignon avec le petit renard. Avec le avec un G. Oignon. Oignon. Ouais parce que maintenant oignon tu peux l'écrire sans G donc. Attention, Christophe Isdard avait lancé comment. Je veux dire quand t'es enfant. Rien qu'en s'amusant, t'apprenais plein de choses. Par contre, le club Dorothée, c'est vrai que c'est ce club aussi qui a ouvert la voie à tout ce qui est manga, Goldorak, Albator. Ils ont eu d'ailleurs les Chevaliers du Zodiac, après oui, ça a suivi. Enfin, il y a eu aussi Candy dans un autre genre, même c'était un manga. Le survivant. La première nana. C'est ça qui a lancé la polémique. Tout le monde était égéri d'une nana avec des yeux qui étaient 16 fois et qui tremblaient pendant plus d'une minute pendant qu'il y a le dialogue. Vous voyez une larme couler qui ressemblait plus à de la cire dégueulasse. Je connais la chanson. Voilà. De Candy, comme dans tous les pays. Après, oui, Sherlock, il regarde l'heure, il dit bon, elle va se taire 5 minutes. Ils ont programmé aussi des mangas parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais tu sais, Onisa, et tu imagines tous les soirs en t'endormant que le petit prince des collines viendra te claquer doucement. C'était Antenne 2 qui avait tout le catalogue de dessins animés. Du coup, ils ont acheté les premiers trucs possibles. Oui. Et pour autant, ils ont cartonné. Mais c'est le problème, c'est qu'ils regardaient les 3 ou 4 premiers épisodes et après, ça partait dans du grand n'importe quoi. C'est le problème de Ken le survivant. Oui, où ils ont regardé les premiers épisodes et ensuite c'est parti en boucherie. Ah bah moins de 18 ans c'était impossible. Bah c'est ça. Donc après oui, ils ont fait ça en nombre, mais même en nombre chinois c'est un peu compliqué. Ouais. Donc après ils ont arrêté la série. Nicky Larson. Ouais, Nicky Larson c'était très sexe. Quand tu regardes bien, il y a certains trucs où maintenant, vu les problèmes de pédophilie, de machin, etc., il y a certains trucs qui étaient très très ambigus à l'époque. Pour des gamins de 12 ans et tout ça, le mec était. Et les paroles ont été édulcorées. Hein. Parce que quand il propose à une fille d'aller manger dans un resto, en fait, il lui propose d'aller dans un love hotel. Ah oui, donc en VO, oui, c'est ouais, en VO, c'est hôtel, ça. Hein, quand il se lève, quand il se lève le matin, tu vois clairement que le chapiteau est dressé. Oui. Enfin voilà quoi. C'est... Le chapiteau est dressé. Ouais, le tipi. On vous rappelle que Timothy d'ailleurs a sorti son album Le Funambule de l'insouciance. Donc on va tout ça. Bon bah c'est très bien les amis. Est-ce que je voulais dire, on parlait des mangas quand on sait qu'à l'origine ce que c'est, de quoi c'est issu les mangas. Ce sont des BD érotiques en fait. Ah oui. Oui, à la base, oui, bien sûr. Bah les, oh les hentai, non les hentai, hentai, hentai, tout nous, c'est faux, mais hentai crayon, hentai, ouais, pas que des crayons. Alors oui et non. Ouais, non. Ouais, non, c'est pas tout à fait tiré forcément de. Bah puisqu'on parle de tirer d'hentai, je vous propose d'en parler là. Bah t'as qu'à faire sur les hentai. Voilà. Sur les genoux de Sherlock en parlant, il fera le Globi Vulga. Non, si j'ai le temps, je prépare quelque chose. Si c'est pour le bâcler, c'est pas la peine. Ah, quoi. Oui. Et tu prends une taille au-dessus. Hein. Joli. Joli. Voilà. Bon, il nous manque pour conclure cette soirée qui va s'achever d'ici 5 à 6 minutes. Hein, voilà, le meilleur. Le meilleur du pire. On garde le meilleur du pire pour la fin. Mais en pour espérant le, qu'un mais jour pour le pire, elle arrive. Les meilleurs. Voilà. Là, c'est sûr. Ça, c'est the best. Hein. C'est la chronique de Sherlock sur les sorties ciné. Monsieur oui. Tchernia. Alors, attends, parce que Magic j'étais parti Tchernia. Sur autre chose. T'es sur les hentai sur ton. Ouais, c'est ça, perturbé. On a parlé de petites culottes, tout ça, donc ouais. Ça y est, c'est. Et ouais, ça. Voilà. Ah! Mais c'est pas possible cette émission. Vous avez raison. Bon, alors. Donc, oui, effectivement, je vais vous parler des sorties ciné pour demain, donc le 14 décembre, pour la Belgique et pour la France. Et je vais commencer avec la Belgique et le film Ballerina. Ça sort également en France demain. C'est un film d'animation avec notamment pour les voix françaises Camille Cotin et Malik Bentala. C'est un film de Eric Sommer. Donc, ça se passe en 1884. Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n'a qu'une passion, la danse. C'est Malik Bentala qui fait le breton. Ils sont tous les deux bretons. En voix française. Non, c'est pour savoir. Oui, oui. Ouais. Et donc, elle est avec son meilleur ami Victor, qui est donc doublé par Malik Bentala, et qui, lui, aimerait devenir un grand inventeur. Ils mettent au point un plan rocambolesque pour s'échapper de l'orphelinat, direction Paris, ville lumière, et sa tour Eiffel en construction. Félicie devra se battre comme jamais, se dépasser et apprendre de ses erreurs pour réaliser son rêve le plus fou, devenir danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Et lui, Victor, va essayer d'aller rencontrer Gustave Eiffel. Victor a réussi et Félicie aussi. Merci. Alors, ensuite sort en Belgique et en France également le film Rogue One, A Star Wars Story. Avec Felicity Jones, Diego Luna et Forest Whitaker. C'est un film de Gareth Edwards. Donc c'est situé entre les épisodes 3 et 4 de la saga Star Wars, donc l'ancienne la nouvelle. Entre la nouvelle et l'ancienne en fait. Mais c'est un peu compliqué Star Wars parce que les trois derniers sont sortis avant les trois premiers, hein, donc. Je te rappelle, c'est toi qui prépare ta chronique. Hein. Mais non, mais c'est pour expliquer à Onissa qui ne connaît pas. Donc, le film nous entraîne donc aux côtés d'individus ordinaires qui, pour rester fidèles à leurs valeurs, vont tenter l'impossible au péril de leur vie. Ils n'avaient pas prévu de devenir des héros, mais dans une époque de plus en plus sombre, ils vont devoir dérober les plans de l'étoile de la mort, l'arme de destruction ultime de l'Empire. On les avait pas déjà au deuxième. Depuis le temps qu'on l'a fait sauter, celle-là. J'ai l'impression que ça tourne en rond aussi. C'est un spin-off, hein, donc. On n'est plus dans les épisodes c'est autant. Pas la saga officielle. Là, c'est un spin-off. Ils ont fait l'étoile noire, après ils ont fait sphère. Ouais, mais bon, il y a des fanas. Hein, le trou noir. Ouais, c'est ça. Hein. Mais ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Ouais, obligatoirement. Ensuite, sort également, donc là en France, on n'a pas de date par contre pour la Belgique, c'est Cigarette et Chocolat Chaud, avec Camille Cotin, Gustave Kervern et Élise Dugas. Héloïse Dugas, pardon, c'est un film de Sophie Rennes, et donc c'est Denis Patard, qui est un père aimant mais débordé, qui se débat seul avec l'éducation de ses filles, Janice, 13 ans, et Mercredi, 9 ans, alors rien à voir avec la famille Adams. Donc, il a deux boulots et une bonne dose de système D, et donc un soir, Denis oublie une fois de trop, Mercredi à la sortie de l'école. Et une enquêtrice sociale passe alors le quotidien de la famille Patard à la loupe et oblige Denis à un stage de parentalité. Désormais, les Patards vont devoir rentrer dans leur rang. Eh ben. Voilà, donc une petite comédie. Je m'y attendais. C'est pas bien. T'as laissé ton fil, sale Patard. Ouais, laisse pas traîner ta fille. Vas-y. Et c'est à quelle heure les séances? Là, je ne sais pas. Parce que j'ai pas envie de rentrer, faut pas que ça fasse patard. Patard, ouais. Sinon, on peut dire aussi avec ses enfants, patard, il donne des bains. C'est une contrepétrie. Patard. Ah oui, bien vu, bravo. Bon, voilà. Vous avez compris? Je vais pas mal. Il faut. Mais personne n'a compris, mais à la radio, pour être poli, on dit à l'invité voilà, quand t'as pas compris. Super, non, mais j'aurais compris. Explique. Donc ça fait au lieu de patard, il donne des bains, bâtard, il donne des pains. Voilà. Ah oui, en contrepétrie, pardon, j'ai pas assez. Bravo, c'est moi qui suis pas. Bravo, elle est bonne. Et donc je vais finir avec le film Personal Shopper, c'est avec Kristen Stewart, Lars Eidinger et Benjamin Biolay. Un petit français, en plus, on sait pas pourquoi il est tombé là. Non, monsieur Kristen Stewart. Si est tombé bien, ouais. Ah, pas assez affûté. Et donc, c'est un film de Olivier Assayas. Ça sort également en Belgique demain. Et donc, c'est Maureen, qui est jouée par Kristen Stewart, qui est une jeune américaine à Paris. Elle s'occupe de la garde-robe d'une célébrité. C'est un travail qu'elle n'aime pas, mais elle n'a pas trouvé mieux pour payer son séjour et attendre que se manifeste l'esprit de Lewis, son frère jumeau récemment disparu. Elle se met alors à recevoir sur son portable d'étranges messages anonymes. Donc un film un peu spirituel. D'accord. Voilà. Mmh. Ils ont vraiment pas envie que les gens aillent au cinéma. Si, quand même. Noël, Star Wars. Quand même, hein. Ouais, il y a Star Wars. Pour les plus petits, il y a Ballerina. Ouais. Personal Shopper, si, c'est un film où on veut avoir quelques petits frissons. Mais... Ouais. Tu irais voir quoi, Flipkat? Justement, le temps de... Peut-être Star Wars, pourquoi pas. D'accord. Bonne question. Oui, vas-y. Pour le dessin animé, là, éventuellement. Là, Ballerina. Ballerina, ouais. Ouais, d'accord. Onissa. Bah, moi, je suis contente, je bosse, j'ai pas le temps. C'est la meilleure solution. Pas de oui, non, parce que là, ça, pas de love seat ce soir avec Onissa. Charlotte, tu irais voir quoi, toi? Moi, je pense Rogue One aussi, Star Wars. Ouais. Mm. Bon. Et toi? Moi, c'est Star Wars. Première. Et toi, Véro? Ballerina. Ballerina. Je me suis retrouvé au Forever avant, qui n'était pas le Forever. En 1975, la première fois que j'étais avec mon père au cinéma, voir Star Wars par rapport à tout ce qui sortait, ça a été... C'était en 77. Pas... 77 mmh. J'étais un peu plus vieux, d'accord. Et je suis tombé sur le cul par rapport à tous les films. C'était quoi, John Wayne, les cowboys et les indiens et les machins qui passaient à droite à gauche. Et c'était ça à l'époque. Il n'y avait rien d'autre. Les films de guerre, le jour le plus long. Et boum, Star Wars qui débarque avec des vaisseaux spatiaux, des trucs à droite à gauche. Oui, voilà. On est tombé complètement sur le cul. Et ouais. Alors, pour finir l'émission, j'avais envie de revenir sur... une chronique que j'avais faite, c'était les hallucinations auditives. Oui. Parce qu'on était parti là-dessus tout à l'heure avec « Ce soir, j'ai les pieds qui puent » de Scorpion. Ouais. Et donc, bah, j'avais fait une petite histoire il n'y a pas très très longtemps. Et je voulais essayer de vous la remettre en mémoire. Onissa, tu ne la connais pas. Oui, voilà. C'est donc, bah, tu vas la découvrir. Donc, l'autre soir, je roulais tranquillement sur une petite route et je sentais la fatigue m'envahir. J'ai préféré m'arrêter pour me reposer un peu avant de repartir. Je me suis donc arrêté sur le parking d'une grande bâtisse avec un superbe chat. Je devais m'être garé devant un hôtel, à mon avis. Je suis donc rentré, c'est là que tout a basculé. Arrivé devant l'accueil, un homme me dit avec un accent québécois « Richard, t'as-tu faim ?» Ah oui, j'ai... Oh pardon. Alors, je lui réponds alors que je m'appelle Sherlock et pas Richard et que je souhaiterais une chambre pour me reposer un peu. Il me propose alors de le suivre et de ne pas faire attention aux salles par lesquelles nous allons passer. Alors, parce que je suis en train de passer les pistes en même temps, c'est un peu compliqué. Bah, c'est ta chronique. Nous montons un escalier et sur le palier, nous croisons Adèle qui a visiblement abusé d'un joint que Sting lui a offert car elle voit un éléphant marrant. Un éléphant marrant. Ah oui, j'adore. Ricky Martin, qui était dans son trip, répétait sans cesse « Vos livres sont dévorés ». Alors, Andrea Bocelli, lui, nous disait « Vous préférez chier des tarés ». Oh, j'adore. C'est excellent. Et Ricky Martin répétait « Un petit coup de savon et ses mains sont dégueulasses ». Ofraaza était dans un bad trip. Elle disait un choc. Non, si, c'est. L'homme qui ne sait pas se relire. C'est ta chronique. Ofraaza était dans un bad trip et elle disait un choc qui joue, qui meurt, réchauffez-le. Un choc qui joue, qui meurt, réchauffez-le. Nirvana lui répondait « Barbara, elle lave tes shorts tout sales. » Et Barbara Streisand le suivant en disant « On lavait les chats battus. » Alors. Et faire tout en même temps, c'est dur. Hein. Sting, qui avait coupé la bœuf, s'écria alors « Mon opinel a du mal coupé !» Et donc, il s'en alla aussitôt. Les Black Eyed Peas, le voyant partir, lui crièrent « Front National, laisse les bédos !» C'est bon. Ah, c'est trop bien. Alors, nous avons continué notre route et sommes passés dans une pièce où des gens faisaient la cuisine. Metallica s'occupait des œufs, nous faisons des œufs et pouic pouic, ils sont durs. Ils sont durs. Et Whitney Houston, qui était à côté, leur disait avec un ton un peu agressif « Tes œufs bouillent, allô ?» Britney Spears nous dit alors qu'elle était plus sympa avant lorsqu'elle aimait les chips. Ah oui, désolé. Andrea Bocelli, qui nous avait suivi, donnait des conseils de cuisine. Prends pas le concombre trop mou. Elle est excellente, la vie. Alors, Chem Mami, par contre, lui n'avait qu'une idée en tête, c'était d'aller manger un cassoulet. Aller manger un cassoulet. Et donc, les Daft Punk étaient furieux, eux, parce qu'ils n'avaient rien dans leur œuf en chocolat. Saloperie! Celebrate. Saloperie de Kinder Surprise! Celebrate and dance so free. Et Sting, qui s'était arrêté là, se délectait d'un plat assez bizarre en disant « C'est si bon la mélasse !» Donc nous avons quitté la pièce et une forte odeur nous incommoda. Le gérant dit alors « Ça sent le WC !» Et Alice Cooper cria alors que ça n'était pas à cause de sa chienne, en tout cas, car elle a fait caca dans la forêt. Donc nous nous sommes alors dirigés vers une autre pièce, et le chanteur d'AC/DC, vers une autre pièce où il y avait le chanteur d'AC/DC, et le gérant lui dit « Tu t'en vas tard à une fête, grand-maman !» Et le chanteur lui répondit « M'en va choquer la Denise !» Et à l'entrée de la pièce dans laquelle il s'engouffra, il y avait Youssoundour, qui nous dit « Ah maman, les mecs qui se masturbent assis gaiement !» Puis ajouta « Mon instrument, il est si long !» C'est ça qu'il dit en plus. Bah oui, le gérant, voyant ça, lui répondit « Et long, ce pénis-là !» Puis nous sommes alors rentrés pour voir ce qui se passait à l'intérieur. Il y faisait assez sombre. Attends, parce que... Hop, voilà. Donc, il y faisait assez sombre et on entendait Avril Lavigne dire « Qu'est-ce que je suce ?» Et Canon, qui traînait là, me dit alors « Elle m'a guetté le trou !» Et c'est vrai. Toute la nuit. Green Day, qui était à côté, lui dit « Tu m'excites, j'aime pas mal ça, moi, les lesbiennes, il y en a nulle part !» Canon leur demanda alors « Prends le contrôle de mes tétons. Oh, il est dedans !» Ça ne chante. De quoi la chanson ouais, non, on a perdu Anissa. Ouais, non, non, non. Alors, et donc, Enya qui commençait dit à Canon « C'est bizarre depuis là-haut de lécher ton mamelon. » Et Florent Pagny, qui voyait ça, dit que Canon était une madone aux tétons bien bien sales. Dans un coin, Nirvana, qui se faisait faire une fellation, nous dit « Eh, elle suce fort, Hélène !» Une fellation. Une fellation. On peut y aller. Et donc, Syl, qui était dans le même cas avec une certaine Jocelyne, nous dit qu'elle était habile au biniou Jocelyne de Toulon. J'adore. Et donc les Black Sabbath, qui venaient de finir un joint de Sting, disaient un peu n'importe quoi. Ronnie vient de faire sucer le Ken et Iron Man est un gay. Le chanteur d'AC/DC, qui avait trouvé Denise, enfin cria dans un râle « Je viens, je viens !» Ça lui prévient. Il est plutôt le mec folie. Hein. Et donc, les One Direction criaient à tue-tête à celles qui voulaient l'entendre « Attrape mes couilles ! Attrape-les mes couilles !» Alors que Ray Charles, lui, ne voulait pas qu'on touche aux siennes, car comme il disait « J'ai des puces aux couilles !» Akon s'est alors approché de moi et m'a dit qu'il allait me mettre une grosse fessée avec un air lubrique en me disant « Bang bang, grosse tapette !» James Brown ajoutant « Pas besoin de string !» C'était un blanc. Le gérant essaya de me rassurer en me disant « T'es en sécurité, la braguette stimulée, mais la queue lassée. » Alors je me suis sauvé sans demander mon reste lorsque le gérant me dit « Si tu croises le gars dehors... » Demande-lui où se trouve Flipkat. Et voilà. Et en arrivant sur le parking, je croisais effectivement un type qui... Téléformant les vagabonds. Donc je croisais effectivement un type et je lui demandais où était Flipkat. Il me répondit qu'il était avec le petit motard au fond de sa hutte. Les petits motards au fond de sa hutte. Sur ces paroles, avec la voix, il y a Roller, donc sur ces paroles, je surmontais en voiture et suis reparti de ce lieu de fou. Et c'est à peine si en allumant mon autoradio, j'ai entendu Enya chanter C'est Noël. Oh, c'est mignon. Elle nous l'a fait version longue. Ou encore, je fais pipi, je vends des choses très polies. Voilà. Et quel travail, c'est génial. Bravo, franchement. Bravo. Et tu documentes ou t'as été chercher une par une, tu les écoutes? Parce que c'est énorme. Le truc, c'est que j'ai été voir sur internet, parce qu'il y en a déjà qui se sont fait un plaisir de retrouver des morceaux. Ensuite, j'ai fait une histoire autour de ça. Mais je me suis cassé la tête pour faire une histoire, parce que les titres sont pas forcément tous compatibles. Et j'en ai encore. J'en ai encore. Tu sais, récemment, j'ai chanté plusieurs chansons anglophones que j'avais pas chantées depuis longtemps. Il y a des trucs que j'étais chanté professionnellement, mais à un moment j'étais un peu à la canon, et il y en a certaines, faut que je ressorte parce qu'il y a des trucs qui me venaient en tête. J'ai la chanson là-dedans, oui, tu le dis autrement, ça serait assez rigolo. Bravo. T'as bouffé un quart d'heure au CSA. Ouais, mais ça valait la peine. Non, c'est bien. Ben, on espère que vous avez passé. Il faudra vraiment la refaire une fois à tête plus reposée en janvier. Une fois la mettre en début d'émission, parce que là j'espère que beaucoup de personnes, ça vaut vraiment la peine. Moi, au niveau qualité audio, peut-être monter un peu les gains aussi, on n'entend pas tout très bien, faudrait une fois la faire mais c'était super. Tiens, il fait les deux en même temps, on dit c'est pas évident non plus. Voilà, je pense qu'il est temps de nous quitter, donc on va vous faire un gros bisou, parce qu'on a dépassé la plage horaire et ça va bientôt partir pour les petites scénettes que vous allez retrouver avec dans Hector. Un petit quart d'heure là. Voilà, on vous salue, on vous fait de gros bisous. Pour ma part, moi je vous retrouve début janvier ou pas, mais pour l'instant l'année prochaine. Mais je vais voir et je passerai vous dire. Ce soir c'était un plaisir, j'ai appris plein de choses. Merci en tout cas, très agréable. Merci de m'avoir accueilli parmi vous. Voilà, donc Harry, nous t'annonçons que je te remplace définitivement. On lui fait des gros bisous d'ailleurs. Enfin, le mec qui tient la route. Non, qui sonne bien. Non, et puis on va se quitter avec un titre. Alors, comme tu ne seras pas là pour la période de Noël avec nous, non. On va se quitter avec le titre Last Christmas de Wham. Très bien. Bon, on vous embrasse tous. Passez une bonne soirée. Et puis, soyez bonne à l'antenne. À la semaine prochaine, donc même heure, même antenne. Et puis, écoutez RQC, les petites scénettes, c'est toujours sympa. Et on se retrouve la semaine prochaine. Donc, 20h, 22h30. Voilà. Absolument. Ouais. Allez, ciao. Merci à vous. Ciao. Salut. Ciao.